entre 6h et 9h. Et juste avant, on fait un point sur l'actu, le sport et la météo, hein, comme chaque jour. Avant de démarrer l'émission, c'est Rémi qui s'en occupe à 5h57. Salut Rémi. Salut Mehdi. Eh ben, encore une belle journée de manière générale, même si on a une petite perturbation qui arrive par l'ouest ce matin. Elle provoque un temps nuageux de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, mais voilà, de manière générale, ça reste quand même une belle journée. Les températures qui commencent à baisser, à retrouver des normales de saison, de 5 à 10 dans le nord, de 11 à 16 dans le sud ce matin. Il fera de 15 à 25 au meilleur de la journée. Puis la pollution, bah ça reste nickel, les indices compris partout, entre 2 et 4, sauf à Perpignan où ça monte à 5. Un jeune homme de 18 ans mis en examen et écroué hier soir, il est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque terroriste. L'individu, décrit comme fragile, était en lien avec le djihadiste Rachid Kassim sur le site Telegram. Il a été interpellé en fin de semaine dernière en région parisienne et n'était pas connu des services de renseignement. Des créations d'emplois en prévision près d'Amiens dans les Hauts-de-France. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amazon confirme la construction d'un nouveau centre de distribution pour approvisionner tout le nord du pays. Le site fera travailler à temps complet entre 500 et 750 salariés d'ici 2020. Alstom Belfort sauvé par le gouvernement, l'État va bien commander 15 TGV pour un montant de 450 millions d'euros. Le site promis à l'arrêt va donc pouvoir tourner à plein régime, au moins pendant 2 ans. Les rames achetées circuleront sur les lignes Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. Mais par contre, le réseau devra être modernisé, hein, car il est prévu pour n'accueillir que des corails intercités. Il n'est pas encore candidat, mais commence à durcir le ton contre ses futurs adversaires. C'est un petit peu le sentiment général ce matin après le meeting d'Emmanuel Macron hier à Strasbourg. L'ex-ministre de l'économie s'en est pris à tout le monde et parle de malaise démocratique. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy en ont pris pour leur grade. Le probable futur candidat estime que certaines fautes doivent être d'office disqualifiantes. Allusion aux affaires en cours de l'ancien président, mais aussi à la condamnation du maire de Bordeaux dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Cuba frappé cette nuit par le terrible ouragan Matthews. 1 300 000 personnes évacuées. Les vents n'ont pas soufflé aussi fort depuis plus de 10 ans dans les Caraïbes. Les rafales atteignent les 220 km/h. Le bilan fait état d'au moins 7 morts à Haïti et en République dominicaine. Matthews se dirige désormais vers les côtes américaines. La Floride et la Caroline du Sud sont en état d'alerte. Là aussi, les autorités ont déjà évacué 1 million d'habitants. Du foot et Zizou un petit peu dans la tourmente depuis hier. La victoire en Ligue des Champions en mai dernier semble déjà très très loin pour la presse espagnole. Les journalistes ne retiennent qu'une seule chose. Les 4 matchs nuls concédés consécutifs du Real, toutes compétitions confondues. Du coup, c'est un petit peu le déchaînement à tous les étages. Entraîneur médiocre pour les uns, équipe qui ne ressemble à rien pour les autres. La question est donc posée, l'avenir du coach est-il menacé si la Maison-Blanche ne redresse pas la barre rapidement? Ce qui est certain, c'est que la pression est bien là. Zizou a d'ailleurs piqué une grosse gueulante là récemment. Il a pourri son équipe pendant 20 minutes en reprochant aux joueurs un manque d'intensité, d'investissement et même d'humilité. Ça marche pas. Non, ah, c'est mon micro, c'est j'ai des problèmes depuis. Il n'y a pas content, Zizou. Ah non, il n'est pas content. Très du bien. Tout. Ouais. Pas content avec mon micro, dit Foul aussi. Pas content. Merci Rémi pour les infos et ouais. Rendez-vous tout à l'heure à 6h30 pour la suite. Il est 6h pile sur Skyrock. Bon réveil à vous. Ça y est, tout fonctionne. On est là. C'est bon, Urbano. C'est bon, c'est bon. Le cerveau est branché. À peu près. À peu près. Carriole. Si on pas, veut. Pas encore. Carriole, le cerveau est branché. On va mettre ça en route. Hein. Ouais, ouais. Voilà, Sam prêt. Toujours. Oh, lui est réveillé depuis 2h du matin, 8h du matin. Donc tout va bien. Là, on est en direct. C'est parti, les 6h01. Bon réveil à vous. Salut et bien, c'est parti pour le bon délire. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Carriole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Vous avez entendu, hein, y en a un qui prend le petit déjeuner gratuit, hein. Si c'est gratuit bien sûr, hein, on va bien sûr, bah, je me suis servi, hein. Bon réveil à vous, bonne journée, on est mercredi aujourd'hui, on va vous offrir vos places de foot. On parlait de foot avec Zizou, mais vos places de foot, pas pour le Real, pour l'équipe de France de football. Le retour de l'équipe de France au Stade de France vendredi, hein. Allez les bleus. Les supporters sont déjà là, vous les attendez. Des allez, places à gagner. Juste avant 8h du matin, à 7h55, tous les matins on vous offrira vos places. Mais ça joue pourquoi ça là? Ça c'est la qualification, Romano. Attention, la qualification pour le mondial, la coupe du monde. Ah ça Russie. Compte dans 2 ans, oui, on sera à la coupe du monde. Il n'y aura plus la coupe du monde. On sera champion du monde, je te le dis, dans 2 ans. Ouais, comme si vous êtes champion d'Europe aussi. Oui, mais on aurait presque été. Là, presque. Là ça sera bon. Il n'y aura pas de problème, je te aucun garantis. Souci. Aucun souci. Les Bleus à gagner sur Skyrock et donc les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, c'est tous les matins sur Sky. uniquement sur Skyrock à 8h05. Premier rendez-vous de cette semaine, jusqu'à vendredi on vous les file, hein, puisque le match c'est vendredi. Premier rendez-vous ce vendredi matin. Tiens, je donne un petit indice pour l'invité mystère de 6h20 tout à l'heure. Ce sera un footballeur, l'invité mystère de 6h20. Ok. Alors, un footballeur à découvrir, un footballeur qui chante, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis bah sinon, une belle journée qui démarre, les conseils pas chers tout à l'heure, vous les retrouverez à 6h40. Ouais. Notre rendez-vous économique de l'émission. Parce que vous avez ça sur Skyrock, comment faire des économies. Et ce matin, tu vas dénoncer une arnaque dont vous pouvez être victime si vous avez une voiture. Ouais, c'est ça, si vous avez une voiture et de l'argent. Faites attention. Attention, de mélange des deux, explosif. Mélange explosif, bim bam bum, comme dirait Cédric. Vladadam. Vladadam, si tu veux, Cédric aussi. Et aujourd'hui, je tiens quand même à vous l'annoncer, surtout si vous allez en cours, que vous soyez élève ou prof, vous devez être au courant aujourd'hui. C'est la journée mondiale des enseignants et des profs. Ah. Alors, bonne journée. Je vais vous demander de retrouver dans vos mémoires, pour ceux qui sont plus au bahut, ou alors de retrouver dans votre classe ou dans votre bahut, si vous y êtes encore, un prof sympa, comme tout, auquel vous avez envie de souhaiter un petit quelque chose. Ou alors l'inverse, si vous voulez. Si vous n'avez pas, trouvez pas un prof sympa, peut-être j'avais pas de prof sympa, dis donc. Moi j'avais un prof sympa, bon, mais ça lui empêchait pas de me foutre des notes de merde, mais. Ça c'est peut-être un peu de ta faute. Mais mon prof de philo, tu sais, il comprenait que j'avais envie de faire de la radio et tout, c'était le seul qui me comprenait. Oh, il te comprenait, Romano, les autres ne le comprenaient pas, Romano, l'incompris. Je suis incompris. Et personne ne me comprend. Bah, lui, il me comprenait. Il était comme ça quand il était ado. Hein. Il me comprenait. Et voilà. Donc, tu fais une dédicace à ton prof de philo. Ouais, je me souviens même plus comment il s'appelait, mais bonjour à lui. Donc, dites-nous, laissez-nous vos messages sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Notez bien d'ailleurs, ça vous servira ce matin pour gagner tous les cadeaux du morning. On salue Yellowman, on salue Alex, ils sont déjà là. Bonjour à Dams du 71. Géraldine, bonjour Géraldine, on te fait un gros bisou, je pars au boulot. Je veux pas louper une miette de l'émission, c'est gentil, GG, on te fait un gros bisou. Les filles sont là, Béa de Perros-Guirec qui vient d'arriver. Bonjour ma Béa, bonjour la Miss également. Ma prof d'anglais en 6e, Madame Dumont, elle était trop forte. Big up à Madame Dumont. Miss, on salue Madame Dumont. Ma prof de français était trop bonne. Elle nous chauffait à mort, la salope. Le message sympathique, oui, bah bien sûr, de Yannick du 21. Et donc, puis tout à fait crédible. Vous avez, oui. Bah évidemment, bah elle chauffait toute la classe d'ailleurs. C'est sûr. Mais tous les ans, elle chauffait tous les élèves. Tiens, Sandrine avait un prof de maths au collège qui était trop bien. Elle avait la tête d'Elysée Moon. Tiens, il y a Toskiller, j'avais un prof, on fumait des joints avec. Elle aimait l'éducation nationale. Toskiller, 24 ans, qui nous laisse un message. Moi, ce matin, j'ai que des profs à la concours. Ah. Eh bien, passe-leur un petit bonjour. C'est le message de Fab sur le 41759 aussi. Bon, vos messages, vous y allez, on parlera des profs dans un instant. Je vous ai pas dit qu'il ferait le réveil de star du jour. C'est quelqu'un qui, quand il part, dit toujours la même chose. C'est lui. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, ça y est. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah ouais. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bon, vous l'avez reconnu, dans un instant il vient réveiller les Français. Préparez-vous. On n'a pas parlé des 1 500 euros, mais dans un instant on va féliciter nos gagnants, hein, ceux qu'on a eu hier. Et puis on félicite d'avance les prochains. Ce sera peut-être vous. Préparez-vous, le temps d'écouter DJ Snake. Et on reparle des 1 500 euros. Je vous redonne le tuyau du 720 dans un instant, vous allez voir. Oui. On va faire un truc exceptionnel avec le 720 ce matin. Restez bien branchés sur Sky, le morning ne fait que démarrer. Bonne journée des profs, bonne journée tout court. Et bon réveil avec Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah, I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. We'll be right back. Won't you give up? Nah, nah, nah. I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. DJ Snake et Justin Bieber, c'était Let Me Love You sur Skyrock. Bon réveil, bonne journée. Dans un instant, tiens, je n'ai pas parlé du son qu'on avait écouté ce matin. Il y a plein de bons trucs, hein. Du Lil Wayne, du Wiz Khalifa, du Soprano, Ariana Grande aussi. On a eu son mec qui est venu nous voir hier soir, Ariana Grande. Il était dans l'émission. Mac ouais. Miller, que vous écoutez aussi sur Sky, avec un morceau qui s'appelle Dang. Vous avez la vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller mater sur tous les réseaux dans la journée. Si Mac Miller. Mac Miller qui était avec nous dans la radio libre. Le mec d'Ariana Grande, mais elle vient sans son mec ce matin. Avec Iggy Azalea, et on la retrouve dans un instant. C'est bien, bien ce son-là. Dis le son, c'est problème. C'est problème, not problem. Yeah. Ouais, not problem, vous êtes sur Skyrock, vous réveillez avec nous. Je vous ai demandé il y a un instant, parce que c'est la journée mondiale des enseignants et des profs aujourd'hui. D'ailleurs, on salue les profs qui nous écoutent. Il y en a, il y a Serge qui nous laisse un message, qui est prof de EPS. Ça, c'est la classe, ces profs d'EPS. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est la classe avec le petit short moulant qui moule la couille. Ouais, ça, c'est beau gosse, le petit Marcel qui va bien. Oh là. Non, là, là, là, les filles, vous avez de la chance. Hein. Le petit survêt en lycra pour l'hiver. Attends, parfait. Le petit bordeaux sur le front. Sexy comme tout. Ah ouais. Bon, beau gosse et swagué en plus. Hein. Alors, je vous ai demandé si vous aviez un prof que vous aimiez bien, à qui vous voulez souhaiter le bonjour. Eh bien, je dis bonjour à vos profs et madame Mornu, oui, qui nous a laissé... c'est Greg qui nous a laissé un message. C'est mieux Moru. Oui. C'est mieux, ouais. Il se rappelle sa vie a été sauvée à une lettre près, elle. De madame Mornu. Bonjour, madame Mornu. Bonjour, madame Mornu. Oui, pensez à vos profs. Tiens, mon formateur Nanar. Je lui souhaite un bon visionnage de Jackie et Michel. C'est Romano Afro qui nous envoie un message. On salue ton formateur. Ouais. Formateur, c'est comme prof, hein. Ben oui, oui, oui, oui. Allez, très bien. Ah, moi, par contre, je salue pas ma maîtresse de CP, moi. Ah, elle avait été très méchante avec Romano, il s'était fait pipi dessus à côté d'elle. J'avais été obligé. Oh. Bah oui. Non, bah, je lui dis, maîtresse. Ouais. Je lui dis, je peux aller faire oui, pipi. Maîtresse. Je peux aller faire pipi, elle me dit non, bah, j'ai pissé sur place. Et voilà, parce que le petit Romano était tout traumatisé. C'était une vieille taupe. Dans son coin, la vieille taupe. Donc il la salue pas, la vieille taupe. Je me souviens de son nom, hein. Ouais, ouais, bah, tu vas nous le dire. Bah, ouais, madame Lacombe. Madame Lacombe. Non, c'était Lacombe. Elle s'appelait Lacombe. Ah, en plus, elle avait un nom, ça, pour... À une lettre près, aussi, elle. Ah non, mais ça, tu rigoles. Quand on t'annonce le nom de tes profs, alors vous, j'aurai comme professeur... Madame Lacombe. Madame Lacombe. Un petit bonjour à un prof ou à une prof, Cariole. Ma prof de maths, Madame Segar. Madame Segar. Elle m'avait fait pleurer au tableau. Oui. Madame Segar. Moi, je salue Mademoiselle Cronel, qui était ma prof de maths. J'avais pas trop les maths, mais elle était super sympa. Eh bien, moi, je me salue moi-même, parce que moi-même étant professeur. Oui, Romano est professeur, oui. Je suis dans le corps professoral, oui. Il fait des cours de radio. Amis collègues de l'éducation nationale, aujourd'hui c'est notre grande fête et bien je vous salue. Vous avez un prof à saluer, n'hésitez pas, c'est la journée mondiale aujourd'hui de nos amis les profs. Ouais, c'est pour ça que je suis devenu chauve, c'est pour la crédibilité auprès des élèves. Ah, c'est bien Romano, très bien, c'est moche mais c'est bien. C'est ouais, bien. Ouais, ouais. Sam, tu es encore à l'école, non? Non, non, moi j'ai... Moi, j'ai terminé, en grande maternelle. Je croyais qu'il était en 6ème, ouais. Sixième, moi. Ah, non, non, déjà. Non. J'ai eu Romano comme prof. Ah. Oh. Et c'était pas mal. Tu l'as eu comme élève? Non, mais je me souviens même pas. Tu vois, un élève sans intérêt, son gars. Élève transparent. Non, parce qu'au début, pendant la première période, j'en vois. Et c'est vrai, il y a Costard qui nous dit, mais Romano prof. Oui, oui, c'est vrai, prof de radio, ouais. Il fait. Ah, mais tu peux aller voir, je suis même en photo sur le site internet, j'ai une tête de serial tête killer. De... Franchement, la photo d'ailleurs, je lui demandais qu'il ait de la chance. T'es une photo chito, ouais. Ouais, non, mais les élèves qui veulent s'inscrire dans cette école, ils voient ça, ils se disent, oh putain, il fait fou. Tu te fais toi-même flipper, c'est dingue. Et ouais, mais j'avais vu 150 élèves en un mois, donc je l'avais pas relevé, quoi. Ah bah voilà, il est là maintenant. Ouais, bah ouais, comme quoi. Ah, donc Romano, un super prof, très bien. La journée mondiale des profs, on y reviendra dans la matinée. On aura d'ailleurs le sondage du jour tout à l'heure à 7h-5-10. On retrouve tous les matins le sondage du morning. C'est à pas louper. Un petit tuyau pour les 1 500 €. Je vous le dis, pour gagner, c'est simple. Il faut répondre. Skyrock. Ah putain, je vous ai fait peur. Ah non, mais c'était pour le suspect. Elle empêche que les 2 sur 4 ouais, avaient répondu. Hein. Tu te rappelles, Karim, le nom de la radio, hein? Ouais, Skyrock. Mais c'est bien, Karim. 1 500 € à gagner. C'est tombé 2 fois hier matin. On félicite Béram de Lyon. Lui, on l'a eu dans son lit à 7h. Ah oui, tout calme. Ouais. Et Pierre Cédric. Alors lui, tout contre, excité, ouais. Tout excité. C'est ça, les auditeurs de Skyrock. Ah, il hurlait. Pierre avec Cédric, ses potes derrière. De Tours, qui a gagné ses 1 500 € aussi. Petit tuyau pour les 1500 euros. Vous vous inscrivez au 72020. C'est simple. Vous envoyez 1500 au 72020. Et on vous appellera peut-être ce matin. Ouais. Dans le morning, vous vous inscrivez maintenant. Vous appellera peut-être avant 9h. Donc si vous avez 30 secondes là, avant de vous laver les dents, avant de prendre la douche, avant de prendre un petit déjeuner, de prendre votre café, vous envoyez 1500 au 72020. Et on vous souhaite bonne chance d'avance. Et sinon, voici voilà. L'homme qui trône sur l'Access Prime Time de la télé. Il est le number one. Et ouais, c'est Nagui. Ah. Nagui, numéro 1, tous les soirs, à l'heure de Touche pas à mon poste, à l'heure à 19h, ouais. À l'heure du quotidien sur TMC, à l'heure ouais. de. Bienvenue à l'hôtel. Bien vu, Romano. Là, parce qu'ils enchaînent, bienvenue chez nous, bienvenue à l'hôtel, c'est un bordel. Et ben, c'est Nagui qui est devant tout le monde. Avec Machin le karaoké géant. Machin le karaoké géant, mais bien vu, Romano, c'est ça, c'est l'émission de Nagui. Ça, c'est le générique. Ah, n'oubliez pas les paroles, ça s'appelle. Ouais. Et ouais, c'est ça qui est numéro 1 en France, tous les soirs, entre 19h et 20h. Ah ouais. Le numéro 1, c'est Nagui, les gens aiment chanter. Et ce matin. Et ça chante dans la cuisine. Et oui, la ménagère chante en faisant le dîner pour toute la petite famille. Oui, Nagui à l'honneur sur Skyrock ce matin. Bonjour. Il a dit bonjour à pratiquement toute l'équipe. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Nagui. Bienvenue à toi. Et Nagui qui va réveiller les familles de France. Comment va-t-il réveiller les familles de France? Bien, parce qu'il est populaire, Nagui. C'est le deuxième présentateur télé préféré des Français. Ah bon? Le premier, c'est Reichmann, non? Non. Jean-Pierre Pernaut? Non. Michel Simès? Bien joué. Eh oui. Bien joué. T'as vu, ton élève, il te nargue. Hein. Il est là. Mais j'ai la réponse, et oui. Bah évidemment, c'est heureusement qu'il a la réponse, celui qui est préparant un peu l'émission. J'ai bien dit un peu. Un peu. Pas trop non plus. Tu vois, même Nagui rigole. Ah, parle. Ah, tu parles. Ah bah, parle, il parle. Allez, Nagui qui réveille les Français ce matin, on va voir ce que ça donne. La mise en contact à 6h15. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Oui, le réveil de star sur Skyrock et Nagui réveille Mickaël et la famille. Allez, c'est parti. C'est la musique de l'émission. Ah oui. Alors. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah bien et vous? C'est pas mal. Ouais. Et bah tant mieux. Alors, je sais que vous avez envie de me parler. Eh non, mais qui c'est au téléphone? J'étais disque jockey, je m'occupais d'une boîte à Cannes. Ouais. Et non mais je sais plus moi, Cannes, c'est loin ça. Je peux te dire la vérité? Ouais. Je t'aime. Ah mais c'est pas. Ouais, mais moi tu sais, j'adore les femmes. Oh, ah, t'es trop beau. Ah bah c'est gentil ça. Mais en même temps, c'est la vérité donc. Vous avez été, c'est vrai, vous avez une tête et une voix de un peu de comédien, vous avez été acteur? Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Je suis passé sur la 3. C'était un film qui se passait à Pierrefonds dans au château. Faire quoi? J'avais un petit niveau motocross, tu vois, un peu sympa, et puis du coup, bah, je suis passé à la télé. Putain, ça, c'est un truc qui est incroyable. Incroyable. Ah oui. Ah, mais là, je suis plus en motocross, j'ai des barésiles dans les mains, là, tu vois. À quoi faire? Bah, c'est pour ma chérie, je vais y mettre après. Vous préférez quoi? Les morues, les moules, qu'est-ce que... Les moules. tu aimes les fessées ou pas? Oui. Et entre nous, les trucs à plusieurs, t'aimes ou pas? Tu parles. Ah, ça c'est intéressant quand même, ça. On va peut-être garder son numéro, jeune homme. Hey, c'est la fête, allons-y. On est à plusieurs dans le même trip, hein. Y a pas de problème, tu peux te joindre à nous. Nous, plus on est, plus on rit. Ça peut être chouette, on n'est pas à l'abri de faire un truc bien, ouais. Sauf que moi, j'ai du mal à partager quand même. Hein. Mais c'est quoi cette conne? La conne, tu vas voir la prochaine fois que je te vois. Méfie-toi. Parlons, voyons-nous et dis non. Ah ouais, pose une date et qu'on voit si on gère, hein, si c'est possible. Nous, on est chaud comme la truc, là. Là, tu viens, on saute dessus, là. Et toi, donc, finalement, tu veux pas venir. Hey, tu dis rien, on arrête, tu restes là chez toi, tu sors pas et on oublie, ok? Ouais, pas de problème, tu sais, moi, je suis cool. À bientôt. Ouais, pas de problème. Allez, ciao, bisous. Ciao. Il y a des gens, ils sont sympas, hein, vous avez vu. Hein. Ah bah surtout, c'est des partouzeurs, ceux-là. Et ça va. Et partouzeurs. Allô, oui. C'est un gros libertin, quoi. Merci. Ouais, viens à la maison, hein, on attend les sièges et les barésilles. Hey, vous avez vu un peu. Ah, ouais. Mickaël et la femme de Mickaël qui était derrière, là. Ouais, c'est ça. Bientôt sur Jackie et Michel, les deux. Très partouzeurs. Ça sera pas Jackie et Michel, ça sera Jackie et Mickaël. Waouh. Et merci, Nagui. Les stars réveillent la France. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors? Mais c'est quoi cette conne? C'est le réveil réveil de Star sur Skyrock. Je sais que vous avez envie de me parler. C'est rien à gronder, pour la retrouver là tout de suite. Et juste après, le premier invité mystère de la journée. Un fouteux. Allez, un petit indice que je vous donne. Et la PS4 à gagner. Finally learn my lesson. No half stepping either, you wanted it or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Sur Skyrock, la meuf de Mac Miller qui était avec nous hier soir dans la radio libre. On a des surprises dans la radio libre comme ça. Il est venu nous voir hier, il était sympa. Ouais. Le mec d'Ariana Grande était là. La Rihanna elle-même était là ce matin. Elle était avec Iggy Azalea sur ce morceau. Je sais pas si vous avez reconnu, hein. C'était Problème. Ouais. Problème, hein. Yeah. Il a pas de problème sur Skyrock. Hein. Notez bien les numéros, tiens, pour nous joindre tous les matins parce qu'on va jouer ensemble tout de suite. On va parler football. On reparlera des joueurs préférés des Français. On vous offrira tout à l'heure vos places pour aller voir France-Bulgarie, le match de vendredi à suivre dans la radio libre avec nous en direct et à voir en live grâce aux places que vous gagnerez avec nous dès ce matin. Ce matin, les premières places pour aller voir France-Bulgarie. Tout à l'heure à 8h05, question foot. On va tester nos connaissances footballistiques, bien sûr. Allez les bleus, allez. Allez les bleus. Et pour démarrer cette matinée, à 6h22, l'invité mystère de ce matin est un footballeur. Un footballeur de plus qui chante. Allez. Ah. Ouais. L'invité mystère. Oui. Avant de vous le faire écouter, il va nous dire bonjour. On va le saluer quand même. Bonjour, l'invité mystère. Bonjour. Bonjour, invité mystère très modeste. Ben. Je m'aime tout le temps. M'aime tout le temps, il s'aime très fort. Vous l'avez reconnu, moi j'ai reconnu tout de suite. Bah oui, avec sa petite moustache. Avec sa petite moustache toute mignonne. Très beau look, hein. Ah, toi aussi, ça te fait rigoler. Qui est donc l'invité mystère? Il est content comme tout, hein, il est content d'être là. Ouais, à un moment donné, il était chercheur de taupes. Il cherchait des taupes. Oh bah voilà, on vous a donné les indices. Je vous ai dit que ce sera football. Ça l'a passionné, mais c'était quoi, une coupe du monde? La coupe du monde. Ouais, ouais, c'est ça. L'Afrique du Sud. La coupe du monde du Midi, là-bas, ouais. Elle passait son temps à chercher une taupe. Alors vous l'avez reconnu.

used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Take my hand through the flame. I told you, you. Take my hand through the flame. I told you, you. I'm just a sucker for pain. More pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. More pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. More pain. Sucker for pain sur Skyrock. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et en direct avec nous à 6h29, c'est Tony qui nous appelle de Bayonne et qu'on va retrouver en direct. Bonjour Tony. Salut Default. Salut Tony. Bienvenue sur Sky. T'as 29 ans Tony, c'est ça? C'est ça. Et tu as reconnu, t'étais rapide ce matin, tu as reconnu notre invité mystère le premier de la matinée pour gagner la PS4. Écoute bien la voix de l'invité mystère, il est là. Bonjour. Bonjour. Ben... je m'aime tout le temps. Il s'aime tout le temps, il est très amoureux de lui-même. Il se kiffe. Oui. Il est topié. Il est topiste. Topiste, topiste, il est pardon. Topiste. Belle moustache. Bon, vous avez trouvé qui était notre invité mystère. Non, c'était pas Djibril Cissé. Non, c'était pas Nicolas Anelka. C'était qui? Le fameux Patrice Evra. Et oui, Patrice Evra, qui ne jouera pas d'ailleurs vendredi, parce que Didier Deschamps préfère privilégier les jeunes. Ah ouais, ouais. Bah là, celui, c'est la fin, ouais. Ouais, lui, c'est un peu un des cadres de l'équipe, un des piliers de l'équipe de France. Lui, il a survécu à tout. Lui, il a survécu à la taupe, il a survécu à l'Afrique du Sud, il a survécu à Domenech. C'est The Survivor, Patrice Evra. Bravo, Patrice. Et si, tu es le Survivor. Et maintenant, il chante. Et maintenant, il chante dans sa voiture, vous avez vu. Très belle chanson, il est de très bonne humeur. Hein. Ça va, Patrice? Hello everyone. Good morning. Good morning. It's me again. Yeah, it's you. It's a proper an American. You know when you look at my Insta, look at your Insta. I want you to feel happy. You know, to smile, to enjoy your life. Alors, to love this game. Ouais, il nous montre comment être heureux, comment jouir de la vie. Comment aimer le jeu et il là, c'est rare de le voir aussi content. Hein. Il est heureux, t'as vu. Oh là, qu'il est content. Hein. Hey, be happy. Be happy, man. Smile. I know you're starting to all smiling. That's what I want. Yes, yeah. Smile. You smile tous. Positive energy. Yeah. Only positive energy on my Insta. Yeah, positive on your Insta. Yes, Patrice Evra. It's coming. Do you feel it? It's coming. Woo! Il est déchaîné. Écoutez, il fait poum poum poum. Poum poum poum poum poum poum poum poum poum. Oh, qu'il est content. Oh, qu'il est crazy. Yeah. I love this game. Yes. Moi, j'adorais le poum poum poum là. Magnifique. Excellent. Tony, tu viens de gagner ce matin ta PS4 Slim. Super, merci, c'est gentil. Bon, maintenant, Tony, tous ensemble, nous allons chanter pour être happy, pour avoir un good feeling. On chante quoi? On va chanter Poum Poum Poum Poum Poum avec Patrice Evra. Poum Poum Poum Poum Poum. Tu es prêt, Tony? Tu es prêt? Ouais, tu te souviens des paroles? Vous épargnez ça quand même. Non, Tony. Tu t'en iras pas sans le Poum Poum Poum Poum Poum du matin pour être de bonne humeur. Le Poum Poum Poum de Patrice Evra. Attention, vous êtes prêts, tout le monde? Oui. Ah, bah complètement. Allez, en gros, tu rappelles les paroles? C'est oui. Poum Poum Poum Poum. Attention, Tony. 3, 4. Je t'entends pas, Tony. Allez, Tony, on prend la PS4 si tu fais pas poum poum. Allez, c'est bon, je veux là. Allez, poum poum. Poum poum poum. Poum poum poum. Poum poum poum poum poum poum poum poum. Bravo, Tony. Allez, la PS4, on te l'envoie à Bayonne. C'est parti. Super, merci. C'est et on salue tout le Pays Basque qui écoute Skyrock sur 86. C'est quoi la fréquence? 87.6, voilà. C'est ça, c'est la bonne fréquence. Ouais, j'ai c'est la bonne. Ça, c'est ça. Merci. Merci le Pays Basque. Merci, merci Tony. De la confirmation. Et bravo merci pour la PS4. Et n'oubliez pas ce matin pour être happy, écoutez Skyrock et faites ça. Carriole adore. Hein. Ouais, j'adore. Non, mais c'est bien, je me souviens des paroles. Et puis elle a le rythme dans la peau. Ah ouais, mais complètement. Wouh. Be crazy. Yeah. Yeah. Crazy. On dirait DJ Roro. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. DJ Roro version anglaise. Merci Patrice Evra, 6h30. 2 sur Skyrock, c'est l'heure des infos. On va retrouver Rémi pour les news. On fait le point sur l'actu. Et dans un instant, on vous offre 1 500 euros. Est-ce que vous, au 7-20-20, si vous voulez qu'on vous appelle, vous envoyez 1 500 au 7-20-20, vous gagnez 1 500 euros. Si vous répondez Skyrock, dites-le à toute la famille, prévenez tout le monde. C'est pour vous, Pitbull et Florida, c'est pour nous aussi. On se réveillera avec le son de Green Light. On écoutera Jul et Vita. Jul, les places de concert à gagner, c'est sur Skyrock toute la journée. La tournée, c'est une tournée Sky. Et puis The Weeknd et Daft Punk, encore une nouveauté Skyrock qu'on écoutera avant 7h du matin. Mais sinon, plein de choses à faire, on en reparle dans un instant. Attention aux arnaques, Romano nous prévient. Mais tout de suite, les infos. La météo, est-ce qu'il fait beau encore aujourd'hui? Ouais, c'est une belle journée de manière générale. Alors, on a une petite perturbation qui arrive par l'ouest, notamment la façade atlantique. Ça va concerner les régions qui vont de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne. Donc voilà, un petit peu de nuages, mais rien de bien méchant. Partout ailleurs, du soleil. Les températures, ça commence un petit peu à baisser. Et donc, on retrouve des normales de saison, de 5 à 10 dans le nord ce matin, de 11 à 16 dans le sud. Il fera de 15 à 25 au meilleur de la journée. Et puis, la pollution, ça reste nickel. Les indices compris partout entre 2 et 4, sauf à Perpignan, où ça monte à 5. Et les infos tout de suite, c'est parti. L'actu et le sport, pour tout savoir, c'est en 2 minutes, c'est avec Rémi. Des créations d'emplois en prévision près d'Amiens, dans les Hauts-de-France. Amazon confirme la construction d'un nouveau centre de distribution pour approvisionner tout le nord du pays. Le site fera travailler à temps complet entre 500 et 750 salariés d'ici 2020. Le coup de pouce du gouvernement pour les taxis. Une nouvelle plateforme vient d'être lancée à Paris pour contrer les VTC, Uber en tête. Le point taxi permet de trouver le taxi le plus proche en fédérant l'ensemble des applications existantes. On peut savoir le nombre de places dispo, par exemple, ou encore la note du chauffeur attribuée par les autres utilisateurs. Du nouveau pour les étudiants qui souhaitent faire un master, l'accès au bac plus 4 sera désormais conditionné par la réussite d'un concours. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a trouvé un accord avec les syndicats étudiants et les présidents d'universités. Un dispositif mis en place pour filtrer les demandes parfois très nombreuses auxquelles les facs ne peuvent pas toujours répondre. En contrepartie, les établissements s'engagent à garantir le droit à la poursuite d'études. Le candidat qui est refusé au master de son choix pourra solliciter le recteur qui devra lui faire 3 propositions. Il n'est pas encore candidat mais commence à durcir le ton contre ses futurs adversaires. C'est un petit peu le sentiment général ce matin après le meeting d'Emmanuel Macron hier soir à Strasbourg. L'ex-ministre de l'économie s'en est pris à tout le monde et parle de malaise démocratique. Il s'est exprimé seul sur scène avec 1000 personnes autour de lui pendant une heure sans aucune note. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy en ont pris pour leur grade. Le probable futur candidat estime que certaines fautes doivent être d'office disqualifiantes. Allusion aux affaires en cours de l'ancien président et à la condamnation du maire de Bordeaux dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. On parle sport maintenant avec les petites révélations de Balotelli. Ouais, l'attaquant star de l'OGC Nice a répondu aux questions de Sky Sport Italia. Il se dit très heureux d'être chez les Aiglons et tente un petit peu d'expliquer sa soudaine réussite. Alors l'Italien a marqué 5 buts en 3 matchs alors qu'il n'avait inscrit que 4 buts en 28 matchs à Liverpool, encore moins même du côté de Milan. Il estime que sa relation avec Klopp, le manager de Liverpool, était inexistante, qu'il n'a fait aucune erreur technique ou comportementale. Bon, ça reste à voir. Il met ce manque de réussite sur le compte de la malchance et compte bien retrouver des couleurs sur la Côte d'Azur. Ça, c'est d'ailleurs pour le climat qu'il a choisi de venir à Nice à l'origine. Il a déclaré qu'il n'en pouvait plus de se réveiller en Angleterre avec les pieds engourdis par le froid. Ah, pour un Italien, c'est vrai que l'Angleterre, c'est pas vraiment le pays où il faut aller si on aime le soleil. J'avais dit qu'on allait rigoler avec Balotelli. C'est pas fini, c'est que le début de l'année. Merci Rémi pour les infos. Et le foot, n'oubliez pas, tout à l'heure à 8h05, on vous offre vos places pour aller voir France-Bulgarie. C'est seulement dans le morning, c'est seulement sur Skyrock et c'est pour vous. À tout à l'heure, Rémi. 6h36. Le morning de Difool, 3 heures de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The morning show. Bon réveil à vous tous et à vous toutes. On est mercredi aujourd'hui. C'est la journée mondiale des profs aujourd'hui. Bonjour aux profs qui nous écoutent. Bonjour à ceux qui iront et qui ont la chance, on peut le dire, de côtoyer le corps enseignant aujourd'hui. Bon courage, oui. Journée des enseignants, journée des profs. On y reviendra. On aura un sondage du morning d'ailleurs de ce matin qui concerne le bahut, les profs pour fêter cette magnifique journée mondiale des professeurs et des professeuses. Ouais. Avant ça, on va vous offrir 1500 euros. J'ai l'enveloppe et Romano, tu vas dénoncer une arnaque dont on peut tous être victime. En tout cas, si on a une voiture ou si on a quelqu'un dans l'entourage qui a une voiture, faut le prévenir. Attention, danger. C'est l'arnaque au billet de 50 euros. Ouais, le billet, c'est en quelque sorte d'appât, mais je vais tout vous expliquer dans les détails. Ouais, tu nous dis tout. Vous faites appâter par le billet, et là, hop, c'est le drame. Le drame, le drame pour votre compte en banque, le drame pour votre portefeuille. Bah, le drame, c'est surtout qu'il se barre avec ta voiture. Le drame, ah ouais, ça coûte cher. Ah ouais, vaut mieux être prévenu. Ça coûte cher, ouais. Restez bien là, on en reparle tout de suite. Mais d'abord, 1500 euros à gagner, c'est parti, c'est pour vous. Si ton téléphone sonne, réponse Skyrock. Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Je vous dis ça tout de suite. L'enveloppe est ouverte. On file ce matin en Normandie, donc comme toi, Rémi. Ouais. Eh ouais, il est content. Mais c'est pas toi. Ouais. On va à Dieppe et on appelle chez la famille Debonne. Ludivine Debonne. Eh bien, est-ce qu'elle aura la de bonne réponse?

comète parce que la plupart du temps c'est un faux billet. Et au moment où tu descends de la voiture, il y a un complice qui est là et souvent tu descends, tu laisses les clés et le mec se barre avec ta bagnole. Aïe. Ah c'est ça l'arnaque au faux billet de 50 euros. Ah. Mais les gens la voient pas. Non, a priori comment ils le positionnent de manière à ce que tu le vois que quand t'es à l'intérieur de ta bagnole. Ah tu le vois pas quand t'es dehors. Ah bah ils sont malins les escrocs. Ils sont malins. Méfiez-vous des escrocs. Tu en connais un rayon sur les escrocs. Ah bah ça c'est clair. Moi j'ai pris cette escroquerie et je l'ai adaptée pour mes conseils pas chers. Ouais. Là, je vais appeler des gens, je vais dire que je travaille à la Banque de France et qu'en fait, les gens ont payé avec un faux billet il y a quelques mois dans un magasin. Le temps qu'on mène l'enquête, on est remonté à eux, il faut rembourser aujourd'hui. Très bien, ça te donne. Mais il a des idées, mais surtout, c'est génial. Ça fuse, merci. Oh, bon, oui. Le génie, franchement. Génie. Hein, le génie de l'arnaque, c'est lui. Ah ouais. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics ? Romano, le roi des escrocs. Voilà, merci madame. Merci public. Merci. Le public est là, donc on va tester ton arnaque à toi, ton arnaque au faux billet de 50 euros. Allô ? Oui, bonjour madame. Monsieur. C'est la femme de Fabrice ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince de la Banque de France. Oui, je me permets de vous appeler. A priori, il y aurait quelques mois de ça, vous auriez effectué des achats avec un faux billet de 50 euros. Oui. Il est là, Fabrice ? Non, ça vous amuse déjà d'appeler mon mari, Fabrice, de la Banque de France ? Ah bah écoutez, madame... La Banque de France, ça t'amuse, hein, la Banque de France, d'appeler son mari, Fabrice ? Il faudra arrêter de payer avec des faux billets, ma bonne dame. Parce que moi, je vais arriver, puis je vais prendre votre argent, vos sous. Hein, ça vous amuse ? Ça vous amuse ? Madame la Banque de France, le mec, la meuf, t'as vraiment pris pour la Banque de France. Ah ouais, elle a flippé. Ah, monsieur la Banque de France, ça vous amuse ? Rien d'autre. Oui ? Oui, bonjour, c'est Jean-Claude. Oui, bien sûr, c'est Jean-Claude. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince. Service de la Banque de France, billets frauduleux. Allô ? Oui ? Oui, je vous appelle, a priori, il y a de ça... 15 jours, 3 semaines, vous avez effectué des achats avec un faux billet de 50 euros. Oui, ben je crois que c'est pas le pigeon de service. Hein. Salut. Eh oh, tout calme. Merde, putain, les gens, à ce temps-là, ils sont en forme. Allô ? La Banque de France. Elle a eu la Banque de France, merde. Alors, la Banque de France. Bon, je vais dire que je suis un grand magasin. Jean-Philippe. Alors, quel grand magasin ? C'est quoi qu'il y a le plus en France ? Carrefour, non ? Auchan, Carrefour, Leclerc. Je vais être Auchan, Carrefour, Leclerc. Oh, allô ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince à l'appareil de Auchan Carrefour Leclerc. Je vous appelle car a priori vous auriez effectué un achat avec un faux billet il y a ça une semaine, 15 jours. Dans l'un de nos magasins. Faux billet de 50 euros. Monsieur, répondez. Il a eu peur, lui. Non, mais t'as vu, tu dis non, c'est arnaque. Les gens, ils se rendent compte maintenant. Hein. Ouais, mais bon, il faudrait qu'ils arrêtent de se rendre compte parce que moi, comment je vais faire ? Je vais faire faillite. Les conseils pas chers, c'est la merde. Attends, pour une fois que t'en loupes pas. Petit dernier pour la route. Ah, il en prend un dernier. J'allais dire, pour une fois que t'en loupes pas, Romano. Attends, il va bien avoir un pigeon dans le lot. Quoi. Dernière tentative, à 6h45, réussira-t-il ses conseils pas chers ou est-ce que ce conseil pas cher, c'est son premier échec de la semaine ? Depuis lundi, zéro échec quand même. Ouais, ouais. Bah là, je sens bien l'échec arriver. Ah, non. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, c'est Daniel. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je travaille chez Carrefour Leclerc au champ, là, pas loin de chez vous. Oui. Oui, dites voir, je me permets de vous appeler, là, parce que après vérification, a priori, vous avez payé l'autre fois vos achats avec un faux billet de 50 euros. Ah bon ? Mais c'est bien, oui. Eh oui, c'est bien. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, parce qu'on a amené l'enquête, on est remonté jusqu'à vous avec les caméras de vidéosurveillance et tout ça. On a vu votre trogne sur les caméras. Ouais. Et puis du coup, il va falloir nous rembourser les 50 euros. Hein. Ah bon ? Je vais passer à 7h. Hein ? Je vais passer à 7h, là. À 7h chez moi ? À 7h chez vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous me préparez les petits 50 euros ? Ouais. Et puis un petit café, du coup ? Ouais. Bon, c'est parfait, ça, voilà. Gilbert. Eh ben, à tout de suite, merci Gilbert. Hey, salut. Bisous, à tout à l'heure. Hey. Bisous. Et voilà. Et ben non, ça, pas voilà. D'échec. Et non, pas d'échec. Il est content. Merci Gilbert. Même 50 euros en cash. Allez, du cash ce matin. Allez, voilà le travail. Et un petit rendez-vous. Faites attention à ces fausses arnaques, à ces faux billets. Des vraies arnaques avec des faux billets plus précisément. Ouais, faites gaffe. Méfiez-vous. On va parler des profs là dans un instant puisque c'est la journée mondiale des profs. Ouais. Le sondage du jour concerne les profs. Alors tout à l'heure, on a fait les profs cool que vous aviez eu. Vous nous avez laissé plein de messages. Comme quoi ça existe aussi les profs cool. Et ben là, on va faire l'inverse. Les profs con. Les profs cons, dites-nous. Un prof con, mais pourquoi il était con surtout? C'est plus rigolo, parce que si on a juste son nom, c'est pas marrant. Enfin bon, déjà c'est pas mal, parce qu'il y en a qui ont des noms à la con, mais on sait jamais. Si vous en faites des trucs, un prof à la con, pas un prof qui vous terrorisait, qui était pas sympa ou qui était complètement amoché, faites-nous signe. Les profs, vous pouvez même vous aussi nous envoyer des messages si vous avez des collègues à la con, je suis sûr que vous en avez. Oui. N'hésitez pas à dénoncer tout ça, 41759, skyrock.fm, et sur l'appli Skyrock, vous nous envoyez tous vos messages. Et le sondage du morning arrive dans une minute. L'horoscope, il arrive aussi. C'est dans moins d'une minute sur Sky. Et le son de Vita et Jul aussi. Jusqu'au 29 octobre chez Midas, c'est le mois de l'automobile. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mois de l'automobile? Chez Midas, ça veut dire 25% de réduction sur le kit courroie de distribution, 25% sur l'embrayage et mieux 25% sur les plaquettes de frein. Et sur les amortisseurs? Ne me dites pas que... 25% aussi. Ah oui, vous vous donnez à 100%. Disons qu'on fait de notre mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à Lorias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti, l'horoscope de ce mercredi matin, on va tout découvrir. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et Gariol, je suis sûr que tu demandes si tu vas avoir une bonne note ce matin. Non, tous les jours je me demande. Tous les jours tu te demandes, tu as bien raison, mais je t'annonce aujourd'hui que tu as... Zéro. Zéro, ouais. Zéro sur cinq, c'est ta puissance amoureuse aïe. Aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Trop sexy. Les cancers et les sagittaires. Gariol étant sagittaire, bing, zéro. Zéro pour vous, une tendance à trop réfléchir, ça m'étonne pas de toi, ah oui, Gariol. C'est pour moi, ça. Surtout dans le domaine amoureux, vous posez trop de questions. N'analysez pas tout. Non. À bas la parano. Oui. Cancer, sagittaire, zéro. Un sur cinq, les balances et les poissons. Vous faites gaffe aujourd'hui aux apparences. Écoutez votre première intuition. C'est ce qui sera le mieux pour vous, balance et poissons. Deux sur cinq, les capricornes et les taureaux. Rangez vos cornes. Ah, et évitez de foncer aujourd'hui. Ah, faites pas le taureau qui fonce surtout. Tout se passera bien si vous restez calme. Voyez rouge aujourd'hui, les capricornes et les taureaux. 3 sur 5, les gémeaux et les scorpions. Vous serez en mode câlin aujourd'hui. Ça fera plaisir à votre partenaire ou au futur, on sait jamais. Gémeaux, scorpions. 3, 4 pour les verseaux et les béliers. C'est votre répartie qui fera sensation. Vous aurez toujours la punchline bien placée au bon moment, les verseaux et les béliers. Mm-hmm. C'est un bon moyen pour séduire, frère. Rigoler autour de vous. C'est bien, Romano. On va rigoler avec toi. Ah ah, il est chaud. Ouais, voilà. Ça commence déjà. Et les lions et les vierges, c'est vous les meilleurs. Vous avez 5 sur 5. Célibataire, vous saurez quoi dire pour attirer l'attention. Et sinon, pour les couples, vous saurez vous rendre indispensable aux yeux de votre partenaire. Une belle journée d'amour, Lion et Vierge, c'est vous les meilleurs. Dans un instant, le sondage du jour. Avant de partir au bahut, si c'est votre cas, eh bien voici le sondage sur le bahut pour fêter la journée mondiale des enseignants ou des profs. Avec les profs cons, c'est ça? Oui, on va parler des profs cons, tiens. Pensez-y dans l'équipe, j'entends vos témoignages, puis vous aussi. Au 41759, on parle de Monsieur Picard qui nous a viré de cours quand on parlait avec notre voisin. Monsieur Picard est un vrai connard. T'avais fait un slogan, Fonfon. Picard est un connard. Picard est un connard. Les autres messages, ils arrivent, on en reparle tout de suite après. Le son de Vita et Jul sur Skyrock, ça les dérange. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et n'oubliez pas des places à gagner pour aller voir Jul en tournée avec Skyrock. Grosse tournée Skyrock, Jul. C'est la roulette. Sa première tournée sera la roulette tout à l'heure, on fera tourner tout au long de la journée, dans le morning aussi. Et Jul et Vita, pour s'ambiancer dans le morning, c'est ça les dérange sur Sky à 6h51. Quand je parle, je fais, rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent dans le dos. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent dans le dos. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur mon dos. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On dit nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Marche à la parole. Nous marche à la parole. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. C'était le son de Vita avec Jules. Jules a gagné tout à l'heure dans la roulette. Dans une heure, on vous offrira vos places de foot aussi. C'est nouveau, c'est dans le morning. Places de foot à gagner pour le match de vendredi. France-Bulgarie, mais tout de suite direction le Bahut. C'est l'heure du sondage du jour. Vous êtes... Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Pas grave, Romano. Tranquille. Un beau jingle. Non, mais je pensais que t'avais fini. Moi aussi. On vous a demandé ce matin, est-ce que vous avez des profs à la con? Tout à l'heure, on a fait les profs sympas pour la journée mondiale des profs et des enseignants. Là, on fait les profs à la con et on en a pas mal. Merci pour les messages, je pourrais pas tout lire en plus. Hein. On en reparlera ce soir dans la Radio Libre, soyez là à 21h. On refêtera la journée mondiale des profs entre 21h et minuit. Ah tiens, très, très bien, Fabien Bonbon. J'ai vu aussi Fabien Bonbon, 22 ans, c'est lui. Moi, je l'ai repéré aussi, celui-ci. Au lycée, j'avais une prof de maths, petite éconne, et elle n'arrivait pas à aller jusqu'en haut du tableau. On a écrit « Efface-moi si tu peux ». C'est drôle. Oh. J'avais repéré celui-ci. Il y a Félix aussi qui nous envoie un message. J'avais une prof, Madame Belle. C'est marrant, j'ai eu une Madame Belle aussi. C'était ma prof d'allemand. Elle était dégueulasse. Et en plus, elle avait un œil de verre. On l'appelait Coco Belle-œil. Ouais, c'est vrai. Sympa. Sinon, il y a Kevin le sang chaud, il a 15 ans. Il nous dit « Mon prof de techno était tellement con qu'on lui a fait croire que la principale était ma mère et qu'on pouvait le faire virer. » C'est vrai qu'il était vraiment con. Et le mec, il a cru. Ah ouais, il était un peu neuneux, lui. Ouais, moi, j'ai une grosse pute, Madame Véro. Elle tirait les cheveux au niveau des pattes. Mais ça, elle n'a pas le droit. Hein. Maintenant, non. Avant, t'avais le droit. À ton époque, Romano, ils ont dû beaucoup, beaucoup te tirer les cheveux. Ah non, mais mon père, moi, s'est fait arracher tous les cheveux comme ça. Bah, toi aussi. C'est, voilà. Ouais. C'est une. Ah, mais à l'époque, ils te tiraient les cheveux, tu sais, vers les pattes, ils se soulevaient. Ouais, ah, mais. Genre, à l'époque de nos parents, mais ils se faisaient martyriser à l'école, ils se prenaient des coups de règle en fer et tout. Karim, on t'a tiré les oreilles, toi. Non, moi, une fois, une prof, elle m'a mis une baffe. Ah, t'as mis une baffe, t'es sûr qu'elle t'a pas tiré les non, oreilles? Non, elle m'a mis une baffe, gros. Ah, moi aussi. Je suis rentré chez moi en pleurant, j'ai dit à ma grand-mère, elle m'a remis une baffe de l'autre côté. Ça s'est réglé, gros. Mais moi, un jour, en CM2, l'instituteur, il avait un peu pété les plombs, il avait quasiment giflé toute la classe. Parce qu'on y arrivait, je me souviens, on n'arrivait pas à faire un exercice. Et le mec, tu sais, il avait un peu un physique de bûcheron, une grosse barbe et tout, des grosses paluches, et elle fait, tu arrives pas, bim, dans ta gueule. Tu arrives pas, allez, et bim, dans ta gueule. On salue Madame Muselier, qui mettait des coups de dictionnaire sur les élèves, j'en suis encore traumatisé. 14 ans après, c'est Johan qui a 25 ans, t'avais 11 ans quand ça t'est arrivé. Ah, pas mal. J'en ai pris moi aussi des coups de bottin. Ça se voit. Ça se voit pas. On salue Madame Véronèse également, je vous en ai parlé, et tous les profs. Il y a même des profs qui se réveillent avec nous. Caro du 77 qui a 29 ans. Je suis prof d'art dans un CFA mécanique auto à Coulommiers. Elle fait un big up à ses élèves. C'est bien, Caro. On te fait un gros bisou. Et voici le sondage du jour, tout de suite. Quelles sont les matières? Alors, ça, moi, j'ai des doutes sur ce sondage, mais enfin, c'est un sondage Ipsos. Sérieux, tout ça. Quelles sont les matières préférées des élèves? Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On vérifiera le sondage juste après. La matière préférée des garçons, c'est quoi d'après vous? Bah, le sport. Bah, ouais, moi, je pensais ça aussi. Ouais. C'est les maths. Non, les maths à 29%. Il n'y a pas un matheux dans l'équipe. Là. Non. Voilà. Les maths à 29% pour les garçons. En deux, le sport à 17%. Et en trois, le français à 16%. Moi, j'aurais même mis le français devant les maths, hein, perso. Hein. Et pour les filles, alors, quelles sont les matières préférées des filles? Je sais pas, les filles, c'est. Les c'est littéraires. Ça doit être ça, ouais. Français. Ex aequo avec les maths. Hein? Français et maths. Mais moi, les filles dans ma classe, elles étaient plus matheuses que les gars. Hein. Numéro 1, les maths et le français ex aequo avec 24%. Et en 2, c'est le dessin.

The Weeknd et les Daft Punk, une découverte Skyrock à 7h01. On écoutait Starboy, c'est le titre de ce morceau. On aura du Alonso dans un instant. Ah, le Marseillais, il arrive. Bruno Mars a retrouvé avant 7h15 aussi. Major Lazer tout à l'heure. Kane Jones, Justin Bieber, Justin Timberlake. C'est un peu la matinée de Justin. En plus de la journée mondiale des profs aujourd'hui. On en reparlera ce soir sur Sky entre 21h et minuit. J'ai regardé les messages que vous avez laissés. Hein. Vous êtes plus sport, les garçons. Et les filles, c'est pas faux. Vous êtes assez français. Français, langues étrangères. Ouais, pareil pour moi, c'était ça. On parlait de vos matières préférées tout à l'heure. En tout cas, celles que vous détestez le moins. On peut dire aussi ça comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Maths et sport, c'est la vie pour Capucine, par exemple. Et la célèbre blague, maths et dessin. Alors là, celle-là, on a bien eu une centaine de fois. Oui, je remercie Ken qui nous l'a laissé. Christophe également qui nous a laissé cette bonne blague. Moi, j'adore maths et dessin. Ah, moi aussi, j'aime bien. Ah, Rémi vient de comprendre. Attends, c'est ah oui, non, mais. Tu vois, Romano, quand je répète les blagues, c'est pour Rémi. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Et pour ceux qui sont un peu la tête dans le cul ce matin. Ouais. On va vous réveiller et on se réveille tous les matins en direct sur Skyrock avec 1500 euros. C'est dans un instant. Qui va gagner 1500 euros, Romano, à l'enveloppe? Il nous l'ouvre. Ah, j'ai rien du tout pour le moment. Hein. Attends. Non, non, mais c'est vrai en plus, hein. Allez, où l'enveloppe? Bon, je pars à la recherche de l'enveloppe des 1500 euros parce que ça m'inquiète. Même au standard, ils savent pas où elle est. Ouais, ouais, non, mais je vais la trouver, Romano. T'inquiète. Hier, elle était dans sa poche. Donc, on va la trouver. On vous appelle, vous répondez Sky et c'est pour vous. Allez, c'est parti pour les infos. À 7h02, on fait le point sur l'actu. On va commencer par la météo pour aujourd'hui. Une bien belle météo. Ah ouais, encore une belle journée. Ça fait plaisir. Bon, une belle journée de manière générale parce que c'est vrai qu'on a une petite perturbation qui arrive par l'ouest ce matin. Du coup, eh bien, ça provoque un temps nuageux de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, mais partout ailleurs, plein soleil dès ce matin. Les températures qui commencent à baisser et à retrouver des normales de saison de 5 à 10 dans le nord, de 11 à 16. Dans le sud, il fera de 15 à 25 au meilleur de la journée. Et puis la pollution nickel, de 2 à 4 les indices partout, sauf à Perpignan où ça monte à 5. Et le point sur l'actu, tout de suite, l'actu et le sport en 2 minutes. On sait tout et juste après on vous appelle. Alstom Belfort sauvé par le gouvernement. L'État va bien commander 15 TGV pour un montant de 450 millions d'euros. Le site, promis à l'arrêt, va donc pouvoir tourner à plein régime, tout du moins pendant 2 ans. 400 emplois qui sont apparemment sauvés. Les rames achetées circuleront sur les lignes Bordeaux, Marseille et Montpellier-Perpignan. Mais voilà, il existe un problème. Le réseau devra être modernisé par la SNCF. Car il est prévu pour n'accueillir que des intercités. Une nouvelle affaire qui fait tache dans le secteur de la santé. Un infirmier libéral de l'Ain est soupçonné d'avoir escroqué l'assurance maladie. Le montant du préjudice s'élèverait à 880 000 euros. L'individu surfacturait ses prestations ou créait carrément des fausses factures selon les enquêteurs. Une information judiciaire a été ouverte. Cuba, frappée cette nuit par le terrible ouragan Matthew. 1 300 000 personnes qui ont dû être évacuées. Les vents n'ont pas soufflé aussi fort depuis plus de 10 ans dans la zone. Les rafales atteignent les 220 km/h. Le bilan fait état d'au moins 7 morts à Haïti et en République dominicaine. Matthew, qui se dirige désormais vers les côtes américaines, la Floride et la Caroline du Sud, sont en état d'alerte. Là aussi, les autorités ont déjà évacué 1 million d'habitants. Prudence si vous utilisez, comme beaucoup de monde, l'application Facebook Messenger. Des liens apparaissent là depuis quelques jours. Alors, il est souvent envoyé par un ami. On y voit son nom et sa photo de profil, ce qui pousse un petit peu à cliquer dessus. Eh bien, c'est un piège, bien sûr, qui renferme un virus. C'est très sérieux car une fois que le clic est fait, eh bien, une extension peut s'installer. Il s'agit d'un cheval de Troie qui va voler tous vos codes, y compris les codes bancaires. Et l'ami qui vous envoie le lien en question n'est même pas au courant qu'il vous l'envoie. Ah, faut faire attention, Marie a été victime de cette arnaque. Ça ne m'étonne pas, Marie, du soir, hein, que vous retrouvez avec toi dans la radio libre. J'ai plus un rond, j'ai plus rien. Ils m'ont tout volé. Donc attention, cette arnaque existe vraiment. Même à Skyrock, on en a été. Ouais, mais ça tourne. Il y a plein de gens qui postent pour te faire gaffe. Faites gaffe avec votre Facebook. Et le point sur le sport maintenant, le sport avec le PSG qui veut plus d'argent. Ouais, et pour trouver plus d'argent, bah, il faut se tourner vers qui? Vers les sponsors. Forcément, négociation ouverte entre le club de la capitale et Nike. Nasser Al Khelaifi veut rediscuter les termes d'un contrat établi il y a 3 ans. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Le PSG a intégré le top 8 des clubs européens. Nike donne chaque année 24 millions d'euros au PSG, alors que Chelsea en prend 78 millions. Une incohérence pour la direction qui rappelle que les Parisiens ont quand même battu par 2 fois les Blues en Champions League. L'idée n'est pas d'avoir autant que Chelsea, car la première ligue anglaise est bien plus suivie que la Ligue 1. En revanche, Nasser Al Khelaifi espère bien négocier 10 à 15 millions de plus tous les ans. Quoi qu'il en soit, ça restera bien bien loin des 100 millions payés par le principal sponsor du Real. Et avant 8h, on vous offrira des places pour le gros match, l'affiche France-Bulgarie. Ouais, c'est vendredi, les places à gagner jusqu'en vendredi matin dans le morning. 8h moins 5, tout à l'heure, il est 7h05, c'est l'heure de vous offrir 1500 euros en direct. Salut, salut, D-Fool, c'est Maître Games. D-Fool en Sky, ouais. Dur de rendu ici le Big Black Game en personne dans le morning de D-Fool. C'est Jules la crise au mic, mec. Bienvenue dans le morning de D-Fool. Le morning show. 6h-9h sur Skyrock. Joe Jul, la crise au mic avec des places de concert à gagner pour aller voir Jul. Ça aussi, c'est dans le morning et c'est sur Skyrock. La tournée de Skyrock, la tournée de Jul, c'est à pas louper. Ce sera avant 9h. On fera tourner la roulette. Bon, plein de choses à faire ce matin. Tout à l'heure à 7h20, dans un quart d'heure, on vous offre votre iPhone 7 à gagner avec Info Mytho. Ouais. Les nouvelles du monde. On va savoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans le monde. Tenez-vous prêts. On aura dans un instant le réveil avec une star ce matin. Une star, le numéro 1 de l'Access Prime Time devant Yann Barthès, devant Cyril Hanouna, devant TF1 et leurs hôtels. Bienvenue à l'hôtel, oui. Devant Stéphane Plaza, c'est Nagui qu'on va retrouver ce matin. Il fait chanter la France. Ah non, il est deuxième parce qu'il y a 19-20 avant. Ah, c'est vrai. C'est vrai, mais sur les. Oui, c'est vrai, il y a le journal de France 3 devant. Oui, le journal régional. Ça marche bien, ça. Ouais. C'est bien, t'as des nouvelles de chez toi. Mais sinon, Nagui, numéro 1 de l'Access Prime Time, c'est lui. Bonjour, Nagui. Alors, je sais que vous avez envie de me parler. Oui. Et ben on va voir si les Français ont envie de te parler, Nagui. Dans un instant, on va le retrouver, mise en contact avec les familles de France, réveil de stars, ça arrive. Et devinez où j'ai trouvé l'enveloppe des 1500 euros. Bah elle était sous ton gros nez. Non, pas du tout. Elle était dans le sac de cours de Romano, dans le sac X-Pack. Elle était tombée dedans. Ouais, Nagui. Bah ouais, bien sûr. Voilà, tiens, je te la redonne. C'est marrant, tu l'avais perdue il y a un instant. Oui, bah là, c'est bon, là, on l'a retrouvée. J'ai trouvé dans ton sac, c'est fou ça. Ouais, bizarre. 1500 euros. Non, c'était pas dans le cul de Romano, Blue. Merci pour ton message, Blue. Ah. Non, sinon, du fou, je serais pas venu bien chercher. Ouais. Bon, et vous aurez aussi votre horoscope de l'amour. Je vous dis ça parce que je vois le message de Amy 974 qui a 34 ans et qui dit: Difool, mon fils de 10 ans est amoureux. Il attend son horoscope de l'amour. Il avait zéro hier, il n'a pas déclaré sa flamme. C'est mignon. On verra combien il aura tout à l'heure. C'est à 8h moins quart pour l'horoscope de l'amour, pour ton fils et pour tout le monde. Bisous, Amy. Allez, on y va pour les 1500 euros. C'est parti, c'est pour vous, c'est à 7h08. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Difool t'appelle. Ouais, c'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Facile, hein? Dites-le tout autour de vous et prenez une commission, hein, si les autres gagnent. Ah, j'ai reperdu l'enveloppe. Oh, comme c'est étonnant. Bon, alors, attention. Nous allons à Rambouillet dans le 78. Oui, les Yvelines, le 78 et Rambouillet. Et c'est Isabelle Gaillabo qu'on appelle maintenant pour gagner 1500 euros. Eh bien, ça sonne chez les Gaillabo. 1500 euros à gagner. Il faut répondre Skyrock pour les gagner, c'est 1500 euros. Bonne chance, Isabelle. Allez, les Gaillabo. Allô, Isabelle Gaillabo. Allô. Très bon téléphone. Madame Gaillabo. Madame Gaillabo. Ouh. Madame Gaillabo. Ouh. Ça va pas, Romano. Mais que t'arrive-t-il, Romano? Salut les filles. Kikou les boys and girls. Oh, oui. Mais oui. Tu regardes trop, touche pas mon poste, hein, Romano. Ouais, hein. Kikou les boys and girls. Ça me travaille, c'est Mathieu Delormeau, c'est un peu mon idole. Il y a Mathieu Delormeau qui arrive. Kikou les boys and girls. Oh, ta gueule, Mathieu Delormeau. Bon, la Gaillabo, elle est là, mais elle répond pas. Non. Bon, désolé, la famille Gaillabo, vous avez perdu 1500 euros, on vous embrasse. Isabelle, ouh. Non, putain, raccrochez pas. Je sais comment les faire raccrocher. Hein. Bon, désolé pour les Gaillabo, hein, ce matin. C'est pas c'est raté, ouais. Ah, on va vous faire entendre la joie des 1500 euros avec Pierre Cédric qu'on a eu hier matin. Ah, il vous a mis le feu. Écoutez bien Pierre Cédric, il a gagné, ce sera peut-être votre cas tout à l'heure. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. On est en direct à la radio, il y a 1500 euros à gagner, c'est pour ça qu'on t'appelle ce matin, Pierre Cédric. Oui, c'est Skyrock. Ah, je sais pas, je vais te poser la question, on va voir si tu as la bonne réponse. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, c'est la bonne réponse, Pierre Cédric, tu viens bravo de gagner. Bravo. 1500 oui euros ce matin. Sky, bravo Pierre Cédric, 1500 euros pour vous. Dans moins d'une demi-heure, on recommence. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Et c'est Alonso tout de suite avant vous. Le réveil de star. Elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On a quoi de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Pinta. SMIC RSA c'est minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves de bon. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Skyrock, on écoutait le son de Alonso, j'allais dire Soprano. Oh, c'est la famille. Hein. C'est presque des frères. Les psychiatres de la rime, il y a Alonso et Soprano. Et là, on écoutait Alonso tout seul, en solo, avec Binta, un son que vous avez découvert sur Sky. Bruno Mars arrive avec Treasure. J'aime bien ce morceau. J'aime bien Bruno Mars. Moi aussi. Bruno Mars et son chapeau. Il est tout petit. Il est minuscule. Ah ouais, minuscule. C'est avec Romano à côté, est un géant. Ah ouais, c'est clair. Mange la soupe sur la tête. Un truc de dingue. Mange la soupe dans son chapeau. Quoi. Bruno Mars arrive, mais avant Bruno Mars, on va accueillir Nagui, le leader de France 2. De l'Access Prime Time. Nagui de France 2. C'est le seul moment où France 2 est leader, non? À peu près, ouais. À peu près, ouais. Ben, il arrive. Ça peut être chouette. On n'est pas à l'abri de faire un truc bien, ouais. Ah ouais, je pense, Nagui. Là, je pense qu'on va faire un truc génial. Ah là, il faut que t'assures avec les familles. C'est hein. L'heure du réveil des stars. Les stars réveillent la France. Tout le monde prend sa place. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Applaudissements. Applaudissements. Bravo. Alors, Nagui va réveiller les familles de France ce matin. On va le retrouver tout de suite avec la famille de Dorian. On va voir ce que ça donne. La mise en contact a été effectuée. On écoute tout ça. Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire, hein? Est-ce que ça va être bien? Vous aimeriez bien être Super Nagui? Oui. Pourquoi pas? Bah, s'il y a des sous à gagner, ouais. Surtout, ouais. Évidemment. On va voir comment le contact s'établit. Dorian, Nagui, c'est parti. Mon kiki. Comment on dit? En voiture, Simone. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment ça va? Mais t'es qui, toi? J'étais disque jockey, je m'occupais d'une boîte à Cannes. Mm-hmm. DJ à Cannes? DJ à Cannes? Oui. T'as rencontré David Guetta alors? À poil. Et Bob Sinclair. À poil. Et Bob Sinclair. Les deux. Ça vous choque? Je le connais pas. Je peux te dire la vérité? Ouais. Oh, t'es trop beau. Ouais, et alors? Je t'aime. Donne-moi ton adresse et j'arrive. Comme ça, on va régler ça tout de suite. J'aime accueillir, j'aime avoir des amis. Ouais, t'as un blaireau. J'étais un peu scout. Scout. Scout un jour, scout toujours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Applaudissements! Non, ferme ta gueule. Okay. Tu sais quoi, tu vas m'écouter, tu vas fermer ta gueule. Maintenant, je veux ton numéro et ton adresse et j'arrive. Faire quoi? Pour péter la gueule. Attends, bouge pas, je te mets les doigts dans le nez, là, bouge pas. Tu vas mettre les doigts dans le nez? Moi, je vais te les mettre dans ton cul, les doigts. Si c'est une blague, tu me dis qui t'es. Si c'est pas une blague, tu me dis qui t'es. Et on va régler ça tout de suite. Parlons, voyons-nous et dis non. Non, je vais pas dîner avec toi. T'es sérieux, toi? Ça peut être chouette. Bon, écoute, tu vas arrêter de faire tes roues. Dans 10 minutes, t'es devant chez moi. D'accord, très bien. Pas de soucis, je suis dehors, déjà. Faire quoi? Bah, je t'attends. Ah oui? Ah, je suis dehors, je t'attends. Vas-y, y a pas de problème, je suis dehors. Écoute. Écoute les audios, je suis là dehors. Écoute les audios, on s'en fout, ça va. Ouais, sauf que je vais attendre 2 heures, 3 heures. Ouais. Ciao. Non, non, non, je vais attendre 2h, 3h, je vais pouvoir ôter comme un blaireau et tu vas pas venir. T'as tout compris. Applaudissements. Bravo, là, bravo, il a tout compris. Hein. Il a compris ce qui lui est arrivé. Ouais, c'est ça, ouais. Il va attendre 2-3 heures dehors et puis il ne viendra jamais. Ah, les ogios. Alors, bah, j'adore les bonnes femmes quand elles arrivent derrière. Ah, j'appelle les gendarmeries. Hein. Systématique, j'appelle la gendarmerie. Bon, c'était Nagui, Nagui, la famille de Dorian, le contact. Et l'autre, il attend dehors. Il est efficace, il va l'entendre dehors. Ah, bah, il va attendre un moment, ouais. Très bien, il va écouter les ogios. Ouais, bah, les ogios. Ah, on écoute les ogios. Nous, on va écouter du son pendant qu'il écoute les ogios pendant 2-3 heures. Ça nous laissera le temps d'écouter pas mal de sons ce matin. Et celui de Bruno Mars à retrouver tout de suite sur Skyrock, c'est Treasure. Et préparez-vous, iPhone 7, c'est à gagner. C'est dans, allez, 3 minutes. Ouais, Info Mytho. Juste après Treasure de Bruno Mars, Info Mytho. Je vous pose la question de sélection et vous allez gagner votre iPhone 7. Je croise les doigts pour vous. Allez. Les stars réveillent la France. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ? Mais c'est quoi cette conne ? C'est le réveil de stars sur Skyrock. Je sais que vous avez envie de me parler. Baby Squirrel, use a sexy motherfucker. Something about yourself. You're one above flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. De Bruno Mars, du gros son, il y en aura encore. On écoutera le Major Lazer, on écoutera Ken Jones, Justin Timberlake et les PNL aussi. PNL à écouter avant 8h du matin, mais tout de suite, c'est parti. Voici Info ou Mytho. On va aller faire un tour du côté des infos du monde. Vous allez tout savoir, tout, tout, tout, tout, tout. Et là, on va parler football. N'oubliez pas d'ailleurs, à 8h moins 5, on vous file France-Bulgarie, vos places de foot pour aller voir le match des Bleus. Allez, les Bleus. C'est seulement sur Skyrock. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et une info qui a fuité par la presse. Une info qui a fuité qui concerne l'équipe de France de football, justement. Il y a un joueur de l'équipe de France de football, un joueur qui aurait aimé être dans l'équipe de France de football. Ouais. Un joueur de Ligue 1 qui a proposé à Didier Deschamps, c'est une confidence de Didier Deschamps, de coucher avec la femme, de coucher avec sa femme pour le sélectionner. Il a dit, Didier, si tu me sélectionnes, je te prête ma femme. Oh, il est gentil. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? Je vous donnerai le nom du joueur si c'est une info dans un instant. Vous saurez tout, mais il faut d'abord nous dire info ou mytho. C'est le principe du jeu, c'est la question de sélection. Vous nous laissez vos réponses au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Pour jouer en équipe de France, un joueur a proposé à Didier Deschamps de lui prêter sa femme. Info, mytho, réponse tout de suite sur Skyrock. Romano, tu vas nous parler de quoi dans les infos mytho, toi ? Moi, je vais vous parler de l'Indonésie et de Jakarta. Magnifique. Je vous fais voyager comme ça. Magnifique petit voyage. Et Cariole, elle nous fera moins voyager puisqu'elle va nous amener à Lyon, je crois. Ah ouais ? On en saura plus d'ici quelques instants. Voilà. Heureusement que je prépare l'émission. Hein, à la place des autres. Oui, c'est vrai, je vais à Lyon. Allez, avant de découvrir tout ça, vous nous dites info mytho pour le jour de l'équipe de France qui a proposé à Deschamps de lui prêter sa femme. On en apprend plus dans un instant sur Skyrock. Tout de suite. Et vos réponses, très vite. Et l'iPhone 7 a gagné, je vous ai pas dit. Ouais. C'est pour l'iPhone 7 qu'on joue maintenant, 7h22. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron ? Bon, alors cette foire au poisson Lidl ? Eh ben, elle va vous emboucher un coin. Hein. En ce moment, les moules de bouchot IGP Origine France sont à 4,99€ la barquette d'un kilo 4. 4,99€ les moules de bouchot chez Lidl ? Moins de 5€ ? C'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché, patron. Hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules, hein. On est vraiment mal. Oh, très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Assieds-toi, maman, je m'occupe de tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Intersport. T'as rien à me souhaiter ? Non. Si, mon anniversaire. C'est pas ton anniversaire ? Bah si, chez Intersport, les chaussures Lecoq sportives que je veux sont à moins 50%. Oui, c'est l'anniversaire Intersport, pas le tien. Oui, mais c'est mon cadeau. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, les chaussures hommes Lecoq sportif New Carnet sont à 49,99€ au lieu de 99,99€, soit 50% de réduction. Intersport, le sport commence ici ! Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez des prix imbattables comme le lien métal Anna 140 cm à 69,99€ seulement. Ah, les records à bas de Confo. Qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boots tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20€ de réduction tous les 50€ d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Bien couvert. Grosse doudoune. Laine de verre. Isolation performante. R égale 5. Prix confortable. 3,80€ le mètre carré. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. La laine de verre revêtue Kraft, épaisseur 200 mm pour usage multiple, est à 3,80€ le mètre carré, soit 22,80€ le rouleau de 6 mètres carrés. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ah, Romano, qu'est-ce que tu penses de Brico Dépôt, magnifique magasin qui prend de la pub sur Skyrock? On vous salue, Brico Dépôt. Vive Brico Dépôt. Tu es le spécialiste du bricolage. Ah. Je tiens quand même à le rappeler aux nouveaux auditeurs de Sky. Non, mais certifié, très bon magasin. Bravo, Brico Dépôt. C'est quoi que tu préfères acheter dans un magasin de bricolage, une perceuse? Non, moi, j'achète pas forcément, moi. Ah, tu voles, d'accord. Ok, je poserai la question un autre jour. Allez, on y va, c'est l'heure de Info Mytho, il est 7h26 sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on a Kevin qui nous a appelé, enfin, qui nous a laissé un message juste avant de partir en cours. Les messages défilent encore. Ça fait plaisir de voir que vous êtes déchaînés ce matin. On vous embrasse, hein. Et vous gagnerez votre iPhone 7 un jour. J'espère que tu vas le gagner ce matin. Salut, Kevin. Salut. Salut. Salut, donc, Kevin. Donc, juste avant d'aller en cours ce matin, t'as laissé un petit message sur le 41759. Ouais. Et, t'as répondu à la question que je posais, info ou mytho, pour jouer en équipe de France. Un joueur de Ligue 1 a proposé à Didier Deschamps de coucher avec sa femme. Il lui a proposé donc de lui prêter sa femme. Est-ce que c'est une info ou un mytho, Kevin? Une info. Pardon? C'est un mytho. Alors, il faut choisir. C'est savoir, tu as de toute façon la tête. Aussi, t'as l'air bien réveillé, tiens, dis donc. C'est sûr d'avoir la bonne réponse. Bah oui, parce qu'il dit info et mytho, lui. Alors, c'est une info ou un mytho? C'est une info. Non, c'est un mytho. C'est un mytho, France. C'est parce que je suis stressé. Oh, qu'il est tout stressé, Kevin. C'est le trac. Première fois. Bon, alors je regarde ton message, t'as bien envoyé mytho. Donc tu es bien qualifié. Attention, maintenant il va pas falloir se planter. Donc c'est un mytho. En fait, c'est le sexe qui nuit aux joueurs de foot. C'est ce qu'a déclaré un entraîneur de foot du Ghana. Bon, si le Ghana a de mauvais résultats, il a dit, c'est parce que les joueurs, ils font trop de sexe. Et quand ils font trop de sexe, ils sont fatigués sur le terrain et ils jouent comme des pieds. Ah bah ouais, s'il faut l'amour juste avant. Eh ouais, on peut pas jouer avec la bite avant et avec les pieds après. Eh non, ça marche pas. Voilà, donc c'est au Ghana que ça s'est passé. Donc, pas de joueur qui a proposé à Didier Deschamps de coucher avec sa femme. Ça soulage. Dans une demi-heure, vos places de foot à gagner. Kevin, tu es donc qualifié. Tu vas jouer maintenant avec Romano et Cariole. Attention, concentration, Kevin. Ah là, il faut pas te planter. Attention. Ah ouais. Allez, go. Info ou mytho. Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Romano, on commence avec toi et tu nous emmènes en Indonésie, à Jakarta. À Jakarta, et là-bas, un panneau public. Publicitaire géant, mais très géant, 23 mètres carrés, très grand. C'est grand. Et alors, il y a eu un problème, diffusion d'un film porno, parce qu'en fait, c'est des écrans modernes qui diffusent des vidéos. Sur un écran géant, je sais pas, une bite, elle doit faire 3-4 mètres carrés. Ah ouais, wow. Facile. Hein. T'imagines le rêve. Super. Waouh. Et ça a même provoqué un bouchon, parce que tous les gens étaient surpris en se disant, putain, il y a un film de cul. Bon, il y a eu, a priori, il y a eu un problème, c'est un hacker qui a réussi à pirater le panneau publicitaire. Ils sont en train de le rechercher. Bon, le mec, là-bas, il rigole pas, il risque 12 ans de prison. C'est tout. Et 77 000 $ d'amende. Bien cher la blague. Info ou mytho? Info mytho. Et écoute bien Cariole maintenant. Moi c'est un chauffeur de bus donc à Lyon comme on disait et qui s'est arrêté 5 minutes sur son trajet pour aller voir une prostituée. Et il a dit au mec qui avait dans le bus que c'était le temps d'une petite pipe. Oh, ce sera pas long. Tu dis moi, j'ai juste une petite pipe. J'arrête le bus, je reviens. J'en ai dans pour 5 minutes. Je suis rapide, vous inquiétez pas. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Le bus de Lyon avec le chauffeur qui s'arrête pendant 5 minutes pour aller voir la dame de joie. Ça c'est Cariole ou alors Romano et le panneau panneau publicitaire géant avec le film de cul diffusé dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, je pense que Romano, c'est une info et Cariole, mytho. Romano, info, Cariole, mytho. J'aurais dit comme toi, est-ce que c'est bon, Romano? Eh bien, c'est tout bon, c'est gagné, bravo! Ouais, Kevin! T'as gagné ton iPhone 7, tu vois, malgré ton crack. Oh, ouais. C'est bien joué, l'iPhone 7, il arrive à la maison dans le 93. Merci, De rien, Kevin. Je vous remercie. Tu vas en cours ce matin? Ouais, je vais en cours, je commence à 9h alors. À 9h, bon, t'as le temps d'écouter le morning presque jusqu'au bout alors. Ouais. Eh ben, profite bien. Tu commences par quoi ce matin? Je commence par j'ai histoire là. Et n'oublie pas de dire bonne fête aux profs, hein, c'est la journée mondiale des profs aujourd'hui. Hein. N'hésite pas à faire la bise, même. Voilà. Fais le susboule, ça peut servir. Bravo Kevin, iPhone 7, un autre à gagner tout à l'heure. On jouera l'invité mystère, ce sera 8h20. Il est presque 7h30. On a le temps d'écouter Major Lazer. Mais oui, on a le temps. Allez, c'est parti, juste après. 1 500 € à gagner. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will still be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Justin Bieber et Major Lazer sur Skyrock à 7h31, 32 même d'ailleurs. On écoutait Cold Water dans un instant. C'est Kane Jones qu'on va retrouver, du Justin Timberlake à écouter aussi. Et PNL avant 8h du matin. C'est le bon son pour se réveiller. Et c'est évidemment sur Skyrock. Tout à l'heure, les conseils pas chers et Romano. On va parler foot. Ah, tu parles foot, toi, des conseils pas chers. Eh ouais, le foot a bon business. C'est vrai, un bon business. Tu veux gagner de l'argent, c'est pas mal, le foot. Et on va parler des stades des équipes de foot françaises. Donc, de vos stades, de nos stades, dans les conseils pas chers à 7h40. Il y aura l'horoscope de l'amour à 7h45. Et on retrouvera notre loser ou notre winner du jour juste avant 8h. Et vos places de foot pour France-Bulgarie aussi. Des nouvelles de Zizou dans les infos, tiens, puisqu'on est sur le foot. On va y revenir avec Rémi tout de suite. Et vos 1500 euros. Tiens, j'ai un truc à vous proposer pour les 1500 euros dans un instant. Je vous en reparle tout de suite. Vas-y, donne. Non, tout de suite, après mes infos, Romano. Bon, bah vas-y, on va écouter Rémi. Comme disait on ma grand... pas le choix. Comme disait ma mamie, chaque chose en son temps. Mais Rémi, tu fais vite, moi j'ai vite envie de savoir. Je allez, tout les, mon temps. Les infos, c'est parti. Dans deux minutes et on sait tout. On commence par la météo, c'est parti avec la météo et le temps du jour, c'est pas mal aujourd'hui. Ah oui, c'est même très bien. Une belle journée, un petit peu comme hier. C'est vrai qu'on a une perturbation qui arrive par l'ouest, du coup, eh bien ça provoque un temps nuageux ce matin de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne. Rien de bien méchant partout ailleurs. C'est vraiment un ciel dégagé qui nous attend. Voilà, les températures qui commencent à baisser et à retrouver des normales de saison, de 5 à 10 dans le nord ce matin, de 11 à 16 dans le sud cet après-midi. Non, toujours ce matin d'ailleurs. Et puis il fera de 15 à 25 au meilleur de la journée. La pollution, ça reste nickel. Les indices compris partout entre 2 et 4. Sauf à Perpignan où ça monte à 5. Et le point sur l'actu, tout de suite, l'actu et le sport. Les attentats qui plombent les comptes de la SNCF. Le rail est plus fortement pénalisé que prévu. Le manque à gagner pour cette année est 300 millions d'euros, soit 100 millions de plus que les prévisions. Les touristes étrangers qui représentent un passager sur 5 désertent les wagons français. L'Eurostar et le Thalys sont principalement concernés. Reste à savoir comment la SNCF va compenser cette soudaine perte. Le nombre de créations d'emplois pourrait être revu à la baisse. Un jeune homme de 18 ans mis en examen et écroué hier soir. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque terroriste. L'individu décrit comme fragile était en lien avec le djihadiste Rachid Kassim sur le site Telegram. Il a été interpellé en fin de semaine dernière en région parisienne et n'était pas connu des services de renseignement. Jean-Marie Le Pen au tribunal sur fond de règlement de compte familial. Le cofondateur du FN demande sa réintégration au sein du parti ainsi que 2 millions d'euros, rien que ça au titre du préjudice. C'est bien évidemment le Front National qui est signé et il est représenté par sa fille Marine Le Pen qui ne sera pas à l'audience. Le dossier sera tranché par le tribunal de grande instance de Nanterre. Le coup de pouce du gouvernement pour les taxis. Une nouvelle plateforme vient d'être lancée à Paris pour contrer les VTC. Uber en tête. Le point taxi permet de trouver le taxi le plus proche en fédérant l'ensemble des applications existantes. On peut savoir par exemple le nombre de places dispo ou encore la note du chauffeur attribuée par les autres utilisateurs. Et on parle de foot maintenant avec des nouvelles de Zizou. Ouais, la victoire en Ligue des Champions en mai dernier semble déjà bien loin pour la presse espagnole. Les journalistes ne retiennent qu'une seule chose, les 4 matchs nuls consécutifs du Real, toutes compétitions confondues. Du coup, c'est un petit peu le déchaînement à tous les étages. Entraîneur médiocre pour les uns, équipe qui ne ressemble à rien pour les autres. La question est donc posée, l'avenir du coach est-il menacé si la Maison Blanche ne redresse pas la barre rapidement? Ce qui est certain, c'est que la pression est bien là. Zizou aurait piqué une grosse gueulante récemment là dans les vestiaires. Il s'est énervé, il a pourri l'équipe pendant 20 minutes, reprochant aux joueurs un manque d'intensité, d'investissement et même d'humilité. Pas content Zizou, hein? Ah non. Pas content. Bah, en même temps, il risque sa place. Donc, Oui, donc il a raison d'en mettre un peu la pression. Peu, oui. Ouais. Merci Rémi pour les infos. Et allez Zizou. Et bonne chance à vous. 1500 euros à gagner. C'est tout de suite sur Sky. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Bon réveil avec Skyrock. Comme tous les matins, on est là. Bon réveil à vous. Il est 7h35. Et tous les matins, on apprend plein de choses. Comme ça, on est OP après pour la journée. Et on offre de l'argent aussi. 1500 euros. J'ai l'enveloppe entre les mains. J'espère que je vais vous porter chance. On va ouvrir ça tout de suite. Juste après, on va donc aller faire un tour dans les stades de foot. Oui. Et c'est tes conseils pas chers qui concernent le football ce matin, Romano. Ouais, c'est ça, ouais, je vais aller demander de l'argent aux gens. Notamment à l'OM, hein, ce matin. Ouais, en particulier, ouais. Vous aimez les Marseillais, vous aimez l'OM, ou vous ne les aimez pas, bah écoutez, Romano va les escroquer dans un instant. Sans problème. Sans aucun problème. Alors, Difool, tu nous avais fait une proposition alléchante. Oui, eh bien, je vous en reparle juste après que j'ai ouvert l'enveloppe. La gueule du monde. Une proposition alléchante, si vous voulez gagner de l'argent ce matin, restez bien sur Skyrock, je vous dis tout. Allez. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. Skyrock. Skyrock. en répondant Skyrock. Morning show. Voilà, déjà un petit tuyau. Bon, vas-y, dis. Je vais vous dire. Attends. Oh, le relou. J'ouvre d'abord l'enveloppe. Vous avez vu, je pense d'abord à vous avant de penser à Romano. Hein. Qui c'est qu'on va appeler ce matin? On va appeler quelqu'un qui habite dans le 60, on file dans l'Oise. Vous êtes dans l'Oise, vous écoutez Skyrock, vous avez bien raison. Et vous allez peut-être pouvoir gagner 1 500 €. On file à Lassigny, la petite ville de l'Oise. Ah, on va partout, hein? Ah bah partout, partout. On file chez les Roconcours. Comme l'autre, l'escroc, là. Comme Christophe. C'est Kathleen. Kathleen Roconcours. Bonjour Kathleen. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Kathleen. Ça sent bon là, dis-donc. Je suis en train de vous écouter, Romano Desfoules. Eh oui, Kathleen, c'est bien nous. Ah non, c'est pas nous. Ah. Oui, c'est vous, c'est Skyrock. Oui, Kathleen. Alors, si je te demande quelle est ta radio préférée, Kathleen? Skyrock. Allez, 1 500 €. Ouais, pour toi. Kathleen. Ouais. Tu viens de gagner 1 500 €, Kathleen. Tous les matins. Eh ben t'as raison Kathleen, la preuve, regarde, ce matin ça te fait gagner 1 500 €. Oh ah, trop bien. Ah bon, on a entendu direct que ça allait tomber déjà. Allô. Allô. J'ai entendu la radio derrière, c'est bien, tu écoutes Skyrock. Bon, ouais. Et tu as entendu ton... Ça fait quoi quand on entend son nom en direct? C'est souvent la question que je me pose moi. Vous écoutez, vous entendez votre nom. Ça fait drôle. Mais bizarre. Ah oui, ouais. Et quand je t'ai annoncé que t'as gagné 1 500 €, ça fait quoi? Ah bah ça fait bizarre, en plus je vais en formation là, donc trop bizarre. Trop bizarre, hein. Attention Kathleen, attention à la route. Attention Kathleen, fais gaffe. Ouais, attention Kathleen. Kathleen, pardon. Kathleen, 1 500 € pour toi, bien joué, bravo à toi. Tu vas faire quoi avec tes 1 500 €? Je vais faire plaisir à mon fils et payer un gros week-end. Ah c'est mignon, c'est bien tout ça. Bah une bise à toute la famille, on embrasse ton fils, on embrasse la famille. Fais-toi plaisir, le chèque arrive très très très très vite à la maison à Lassigny dans l'Oise. Bien joué Kathleen. Merci beaucoup. Bisous ma chérie. Salut Kathleen, gros bisous et bonne route. Et bonne route à toi. Ciao. Et alors le petit tuyau que je voulais vous donner avant 8h30. Vous vous inscrivez à partir de maintenant, enfin si vous êtes inscrit à partir de 6h du matin, parce qu'on est là depuis 6h, tiens. À partir de 6h du matin au 7-20-20, on va en tirer un ou une au sort qui sera inscrit dans le morning. D'accord. Ah bah si je me réinscris. Donc inscrivez-vous au 7-20-20. Vous envoyez 1500 tout court. 1500 au 7-20-20 et avant 8h30, on vous appelle en direct, c'est promis, juré. Ah, j'envoie un message. Hey, si c'est moi qui suis tiré, il faut m'appeler. Hein. Vous vous inscrivez maintenant, on vous appelle avant 8h30. Inscription au 7-20-20. Voilà le petit tuyau que je voulais vous donner. J'ai envie de vous offrir de l'argent. Ah, oh, mais comme tu es bon, Difool. Ah, ouais. Si vraiment t'as une grosse envie de nous donner du pognon, passe-moi ton portefeuille, je vais t'arranger. Non, t'inquiète, je me suis arrangé avec le directeur financier de Skyrock qui vient de faire un nouveau malaise. Mais c'est pas grave. On voulait vous faire plaisir ce matin. Allez-y, donc 7-20-20, 1 500. Et vous gagnez 1 500 € cash en répondant Skyrock. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait... Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil. Et le morning qui fera... Allez l'OM de Stag. Ah génial. L'OM et les autres stades de France, on va en parler hein, dans un instant dans les conseils pas chers. Après Ken Jones, Don't My à 7h39 sur Sky. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. OKC. I forgot we met at Oklahoma. used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. À 7h42 sur Skyrock, on écoutait le son de Ken Jones, Don't Mind. On prépare un gros son, celui de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Et un autre gros son que vous avez découvert sur Skyrock, je crois que ça passe que sur Sky en plus. PNL à retrouver avant 8h du matin. J'adore PNL. PNL. Ouais, t'as l'équipe qu'on adore, Romano, ça le fait planer. Complètement. L'autre jour, il m'a retrouvé collé au plafond tellement je planais fort en écoutant PNL. Ah ouais, moi je me demande si je vais pas essayer de voler du balcon. Waouh. On fait ça tout à l'heure avant 8h. Bah ouais, on va et tenter. Là, à 7h43, pile sur Skyrock, c'est l'heure des conseils pas chers. On parle des stades de foot de toute la France. Allez. Ouais. Cristiano Ronaldo gagne 2 euros par seconde. Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? J'espère, c'est les conseils pas chers. Il a failli foirer son conseil pas cher tout à l'heure et en fait il l'a réussi. In extremis. J'ai regardé depuis lundi, tu as réussi tous tes conseils pas chers. Ah bah j'espère que celui-là ça va fonctionner aussi. Alors les stades des équipes de Ligue 1. T'as trouvé une info dans La Provence, le journal de Marseille. La Provence, les Marseillais, rien ne va plus. Bon déjà les résultats sont quand même pas top. Vous êtes marrants les Marseillais, vous allez voir. Et en fait ce qui se passe c'est que donc là il va y avoir un nouveau patron de l'OM là, le John McCool. John McCool, oui. Ouais, un Américain qui va racheter l'OM. Le mec il sait pas dans quelle merde il est en train de se foutre. Je pense qu'il sait pas où il a foutu les pieds. Oui. Et la bonne nouvelle, bon les stades en fait ils sont loués à la ville. Oui. À part Lyon qui a son propre stade. Oui. Alors l'OM jusqu'à maintenant le loyer annuel c'était 4 millions d'euros. Ils ont vu arriver l'Américain. On va le couiller l'autre connard. Bah hein, déjà, hein. Eh ben, en même temps il avait annoncé la couleur le maire de Marseille Jean-Paul Gaudin. Vous avez des sous à falloir payer. Eh ben c'est parti. Eh ben c'est parti. Le loyer du stade à partir du moment où le mec va arriver va passer de 4 à 8 millions d'euros. Pas mal. C'est comme si vous avez un appartement, votre propriétaire vous appelle et vous annonce bah le mois prochain ce sera le double. Voilà, vous avez 500 euros de loyer. Bon, le mois prochain, c'est 1000. Et voilà. Bah, par exemple, à comparaison, le PSG, les Qataris, payent que 1,5 million d'euros par an. Pas cher, le Parc des Princes. Non, mais par contre, à Paris, ils sont baisés, quoi. Oui. Tant mieux pour les Qataris. Hein. Les Girondins de Bordeaux, 3,85 millions d'euros par an de loyer. À Nice, 4 millions d'euros. À Lille, 4,2 millions. Et le Chaudron de Saint-Etienne. Ah. Alors là, c'est bradé, c'est 1,4 millions d'euros. Et voilà, on fait des économies à Saint-Etienne. Bon, ce matin, je vais demander une participation aux Marseillais. Ah, pour sauver le stade, mais. Bah, oui. Pour financer le loyer. Hein. C'est cher. Il faut que les Marseillais. Mettent la main à la poche. Participent. Alors, c'est parti. C'est parti, on file à Marseille ce matin. C'est Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie. Alors, bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour, c'est Jean-Marie. Oui, vous, non. Ah. C'est qui? C'est Lionel. Ah, Lionel, comment tu vas, Lionel? Ça va, ça va. Ah, c'est l'OM à l'appareil. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Ah, tu as, t'as vu le prix du loyer, il va augmenter. De 4 millions d'euros par an, il passe à 8. Le prix du stade. Oui, et on voulait te demander un peu d'argent pour financer le stade. Ouais, pour le loyer. Ouais, mais c'est gentil, merci monsieur. Pour voir les chèvres jouer. Allô, Lionel. Il est pas rôti. Ouais, Lionel. Ouais, bah, désolé pour Lionel. Ouais, c'est Lionel. On n'a pas eu Jean-Marie, je suis déçu. Ah. Vraiment. T'as qui maintenant à appeler? Jean-Marc. Jean-Marc. Nous appelons donc Jean-Marc. Ah, Jean-Marc de l'OM. J'ai Jean-Marc de l'OM. C'est mieux que Jean-Marc Morandini. Hein. Ouais, c'est clair. Effectivement. Jean-Marc de l'OM. Allez, c'est pas rôti. Allô? Allô, Jean-Marc? Oui. Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM, allez! L'OM, allez, l'OM, allez. Allez, l'OM, allez. Allez, go, OM, go. Go, OM, go. Allez, dis donc, le stade, il va augmenter le loyer. Le 4 millions va passer à 8. Ouais. Il faut que tu donnes des sous. Y a pas de souci. Je peux... C'était caché. Ah, c'était caché. Pourquoi t'es bouché? Ouais. Eh oui. Eh ben, achète du desktop. Elle est bonne, celle-là. Je vais venir chercher le steak caché 20 euros. Le steak haché, 20 euros. Eh oui. Tu lui donnes un steak haché et tu lui payes 20 euros. Alors là, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Et après, tu me sègues le levier. Oh non. Ah si. J'expliquerai ce que c'est après. On vous expliquera. Ah, tu vas me sègues le levier, hein, Jean-Marc? Sègues le levier. Eh oui, sègue-moi le levier. Je vais brûler la bite. Qui c'est qui dit ça? C'est l'OM. L'OM? Ah, c'est pas possible. Il parle pas comme ça. Ah si, l'OM. Les chèvres. Bah. Tu sais, Romano, que dans ton nom, il y a écrit OM. Il y a écrit OM dedans. Tu fais bien la chèvre. Ah, hein. C'est les chèvres. J'en ai deux en face de moi là. Ah bah tu les embrasses. Tu les salues. Je vais chercher le steak haché et 20 balles. Seigle levier à 8h du matin. Allez, à tout à l'heure. Et allez, l'OM. Et le bonjour de Skyrock. Et allez, les chèvres. Skyrock. Bonne journée, Jean-Marc. Ah, salut, Jean-Marc. Ciao. Salut à toi, Jean-Marc. Go, OM, go. Go, OM, go. On va bon, bah, c'est bon. Hein. On va le couiller, l'américain, ma cocouille. Ah, vous avez les sous, il faut payer. Avec 8 millions et hop, et dans un instant sur Skyrock, attention, attention, l'horoscope de l'amour arrive. Le loser du jour aussi aujourd'hui. Loser du jour, ça concerne Rihanna. Ah, ah attention. Qu'est-ce qui arrive à Riri? Vous saurez tout avant 8h du mat. Et avant 8h du mat, vos places de foot pour France-Bulgarie en exclu. Les places pour le Stade de France, c'est à gagner dans le morning sur Sky. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, t'es chez Lidl? Chez Lidl sur mer, oui. En ce moment, c'est la foire aux poissons ici. Et les filets de cabillaud, ils nous les font à 11,99€ la barquette d'un kilo. Quoi? 11,99€ le kilo de filets de cabillaud chez Lidl? On a vraiment pas de peau. Comme les filets de cabillaud, hein. Sans arête et sans peau. À moins de 12€ le kilo, je pourrais en embarquer quelques barquettes, patron, non? Arrête, oui, parce que là, ça me reste au travers de la gorge. Hein. Oui, là, ça fait mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre, pêchez en Atlantique Nord-Est. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur sncf.com. SNCF. 7h48 sur Skyrock, c'est l'heure de l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. On ah tiens, tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la maman là. Ah, la maman Amy qui nous a laissé un message tout à l'heure pour ouais. Son fils. Et son fils il est Verseau. Ah, c'est des bons les Verseaux. Ah, il a 10 ans et il veut savoir s'il doit, il est tombé amoureux d'une meuf. Oui. Il veut savoir s'il doit déclarer sa flamme aujourd'hui. Ouais, et là il nous a envoyé un message. Il lui faut au moins un 3 pour se déclarer. Oh. On va voir pour les Verseaux si c'est bon pour aujourd'hui. Écoutez bien l'horoscope. Voici la divulgation de l'horoscope de l'amour. Oh, divulgue-nous. Je divulgue tout et je vous annonce que les lions et les vierges sont les meilleurs aujourd'hui. 5 sur 5 de puissance amoureuse, magnifique pour les célibataires. Vous saurez quoi dire et quoi faire pour attirer l'attention sur vous, ça va marcher. Et pour les couples, vous saurez vous rendre indispensable aux yeux de votre partenaire, de votre chéri. Les lions et les vierges, vous avez 5. Bonne nouvelle pour ton fils Melvin, Amy. Verseau 4. Ah. Bélier 4, il va se déclarer. Tu nous diras hein, s'il se prend un râteau ou pas. Hein. c'est votre répartie. Il va rentrer ici, pour un temps, il va pleurer. Et en plus, on en parlera à la radio. Bah oui. Votre répartie fera sensation aujourd'hui, les Verseaux et les Béliers. Vous aurez la punchline au bon moment. La bonne punchline au bon moment, tout va bien. Les Gémeaux et les Scorpions, vous avez 3 sur 5. Vous serez en mode câlin, en mode lover et loveuse aujourd'hui. Ça vous réussira, vous passerez une belle journée. 3 pour les Gémeaux et les Scorpions. On passe au 2. C'est les Capricornes et les Taureaux. Rangez vos cornes et évitez de foncer. En gros, ne vous énervez pas pour rien. Ne faites pas comme le Taureau. Tout se passera beaucoup mieux si vous restez calme. Les Balances et les Poissons. Vous avez 1, attention aux apparences aujourd'hui. Écoutez votre première intuition, ne vous laissez pas duper. Et on passe à nos amis Cancer et Sagittaire, vous avez 0. Oh. Une tendance à trop réfléchir dans le domaine amoureux, prenez-vous pas la tête, n'analysez pas tout, laissez-vous vivre. Let's live. Let's groove. Non, let's live. Keep cool. Keep cool. L'horoscope, c'est géré dans un instant. On retrouve le loser du jour et vos places à gagner pour France-Bulgarie. Pour gagner, on nous demandait comment on fait. C'est simple, je vous pose une question, vous allez pouvoir répondre juste après. Justin Timberlake sur Skyrock. J'adore ce morceau, moi. Can't stop the feeling. Ah, pour se réveiller, c'est super ça. Can't stop the feeling. Justin Timberlake, c'est sur Sky. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. You, when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Sur Skyrock, Justin Timberlake à 7h53. Dans un instant, je vous pose la question foot du jour et vous y répondrez le plus rapidement possible pour gagner vos places pour France-Bulgarie. On vous les offre dès ce matin et jusqu'à vendredi. Premier sur le foot, c'est Skyrock et les places pour aller voir les Bleus. C'est sur Skyrock que ça se gagne. En plus, Skyrock reporter pour nous, puisque vendredi soir, dans la radio libre, entre 21h et minuit, on suivra ce match de l'émotion en prévision. J'adore suivre les matchs des Bleus pendant l'émission. Ouais. Donc, vous serez notre Skyrock reporter. Vous gagnez vos places, on vous les file jusqu'à vendredi, comme je vous l'ai dit. C'est parti pour la loseuse du jour. La loseuse du jour. La loseuse du jour. Tous les matins, le top lose, top win de Skyrock avec les losers, les loseuses, les winners, les winneuses. Aujourd'hui, ça lose fort. Ça lose? Oui, j'ai vu une photo. Alors, on est toujours là quand on regarde les photos de Rihanna. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Oh, Riri, elle est super. Mm-hmm. Bon, là, la coiffeuse de Riri, ça va pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'autre, elle lui a mis un poulpe sur la tête. Moi, j'adore les petites dreads, vous savez, les dreadlocks. Oui. C'est joli. Moi aussi. Bah, alors là, c'est loupé quand même, hein. C'est-à-dire qu'elle a des dreads, quand elle va faire caca, ça tombe dans la cuvette. Bah, elle peut se torcher avec. Ah, ça peut. Ah, c'est un côté pratique. Très bien. En plus, c'est bien parce que quand t'as des dreads, il faut pas te laver les cheveux. Un peu de caca dessus, ça les durcit, c'est nickel. C'est pas mal, ça. Ça fait tenir les poids. Ça fait tenir les poids des locks. Donc, la coiffeuse personnelle de Rihanna, 1900 euros par jour. Hein? 1900 balles par jour. Ouais, ouais. Lui a mis des dreads sur la tête. Bon, des fausses. Bon, ça, c'est loupé. Hein. Ouais, c'est des rajouts. Ah, c'est loupé. Regardez le machin. Il n'y en a pas une qui a la même hauteur que l'autre. Ouais. C'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain, on dirait une serpillière. Attends. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est sale un peu. Tu sais, les espèces de balais, là, avec les trucs qu'ils ont. Ouais, où t'as l'impression qu'elle a fait un plongeon dans la mer et qu'elle s'est retrouvée avec un poulpe sur la gueule. Riri, la coiffeuse. Ouais, il y a eu mieux, ouais. À 1900 euros par jour, c'est clair qu'il y a mieux. Hein. Ouais, puis Cariole, elle trouve ça bien. Moi, tu vas voir qu'elle va arriver demain comme ça. Non, mais moi, j'adore les dreads, je trouve ça bien. Mais alors là. Ouais, quoi, après, dans les dreads, il y a des bêtes. Hein. Non, mais t'en as pas à la même hauteur, regarde. Ouais, ben, je sais pas, la coiffeuse est biglouche. Et biglouche, ouais, c'était drogué juste avant. Hein. À 1900 euros par jour, elle aurait pu faire un truc un peu mieux. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, la loseuse du jour, c'est la coiffeuse de Riri. Je prendrais pas la même. Hein. Non, de toute façon, moi, j'en ai pas besoin. Donc. C'est, oui, mais oui, tu pourrais te faire des rajouts, Romano. Tu serais beau de raider. Mais tu veux qu'il les rajoute sur quoi? Il n'y a plus rien. Ah oui, c'est vrai. Là, il faut m'ouvrir le crâne et planter dedans, moi. On peut planter. Ou là, de la colle forte, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être de la colle forte. Hein. Bon, au niveau de la loose, c'est pas mal. Tiens, envoyez-nous une photo de votre coiffure qu'on voit si vous êtes plus jolie que Rihanna. De toute façon, Rihanna, bon, l'avantage qu'il y a, c'est que la meuf, elle, demain, elle aura une autre coupe. Hein. Oui, bah tant mieux pour elle. Parce qu'elle, elle change, mais constamment. Eh bien, on dit vivement demain, alors. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'elle change de maquillage à chaque fois qu'elle change de vêtements, les cheveux, c'est pareil. C'est Riri et sa coiffeuse personnelle. Au bout d'un moment, faut toujours trouver des idées. Là, elle a trouvé l'idée, mais c'est pas la meilleure du monde. Putain, j'ai une assistante pour les fossiles à 3 800 €. Eh ouais, Romano. Ah bah dis donc. T'aimerais bien être assistante de Riri? À ce prix-là, ouais. Eh ben j'ai bien lui poser des cils sans problème. Moi aussi j'en mets partout. J'en mets partout. Sur, j'en mets sur les ongles, sur les seins, sur les tétons, partout. Ah, où elle veut. Allez, 7h56, c'est l'heure du foot maintenant. Skyrock t'offre France-Bulgarie. Vendredi soir au Stade de France. Et direction le Stade de France, vous voulez vos places de foot, c'est à gagner tout de suite. Il faut répondre à la question que je vous pose. Question toute simple, quel est le joueur français qui énerve ses voisins parce qu'il danse et qu'il écoute de la musique trop fort? Il doit être branché sur Skyrock, lui. C'est sûr. Ah, ouais. Qui sait? Oh, attention, vos réponses. Ah, je sais, moi. Je dis top, c'est parti. Vous laissez vos réponses au 41-759. Sur l'appli Skyrock aussi, vous laissez bien vos numéros de téléphone. Et le premier ou la première repart avec ses places de foot pour aller voir les Bleus France-Bulgarie. C'est à ne pas louper et ça se gagne sur Skyrock tous les matins dans le morning à 8h-5, 8h-3 maintenant. Hein. Le joueur français qui énerve ses voisins parce qu'il danse, qu'il écoute de la musique trop fort. Réponse, eh bien, dans un instant. Et vos 1 500 € aussi, dans un instant, c'est sur Sky. Kanye West. Your love is fading, I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up, hold up, hold up, hold up. I feel it. I love the, I wanna, I'm trying to feel. I'm a rock. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379 €. Ikea. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économie sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économie. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Vous attendez l'hiver pour vous occuper de votre voiture? Ludo, non. Il anticipe. Bah oui, et en plus, chez Noroto, j'ai droit à des bons d'achat. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Ludo est chez Noroto. Et passer en mode hiver, c'est facile avec la carte Noroto. Jusqu'au 16 octobre, bénéficiez de 15 € offerts tous les 100 € d'achat. Noroto. Conditions dans les centres participants et sur noroto.fr. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Good morning. mon voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. Demande à ta sœur. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on a vie. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Majeur traverse le ciel. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. J'prends mon oseille, je chante, me casse de l'eau de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète Nax, véritage. Tout le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. T'entends le vide, vois le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. Je viens sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. De 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et notre gagnant pour les places de foot, il est avec nous, c'est Julien de Poissy. On vous offre vos places, c'est à 8h moins 5 jusqu'à vendredi. Les places pour aller voir France-Bulgarie. Julien, tu es avec nous? Ouais, l'équipe. Ouais, Julien. Salut. Salut, Juju. Alors, salut. Quel est le joueur français qui énerve ses voisins parce qu'il danse et qu'il écoute de la musique trop fort? Qui c'est? Paul Pogba. C'est Paul Pogba. Et ouais, Polo. Paul Pogba, il a eu quelques problèmes avec ses voisins, mais partout où il va, il a des problèmes avec ses voisins. Il aime le sound. Bah là, c'est ses voisins d'hôtel, parce qu'en ce moment, il vit à l'hôtel. Là. Oui, et les voisins d'hôtel n'en peuvent plus. Heureusement, ils changent tout le temps, c'est bien. Bah, ils vont se plaindre à la réception, et les gens, ils gueulent, ils disent, hein, Paul Pogba, lui, il a le droit de tout faire. Et nous, on se plaint, on n'a rien, a droit à rien. Et il danse, il écoute du son, et toi, tu gagnes tes places de foot, Julien. Bien joué. Bravo. Ouais, merci, l'équipe. France-Bulgarie, c'est pour deux toi. Deux places. Tu vas y aller. Qui tu veux, tu ramènes qui avec toi au match? Je sais pas, peut-être un pote ou ma meuf. Très bien, un pote ou ta meuf, on prend tout nous. Hein. Vendredi soir, tu suivras le match avec nous dans la radio libre entre 21h et minuit. France, Bulgarie, on compte sur vous. Et demain matin, encore des places à gagner. Bravo Juju. Ça marche, merci. Salut Poissy, salut Julien, bis à toi et bonne journée. Salut. Ciao. Et bonne journée salut. À vous. Ciao. Le réveil de Star arrive avec l'émission phare du 19-20 tous les soirs. Il est devant tout le monde, mais qui sait? Vous le découvrirez, si vous n'avez pas écouté tout à l'heure, vous découvrirez celui qui réveillera les Français ce matin. Tout à l'heure, un invité mystère à découvrir, ce sera à 8h20. Lui aussi, il faudra le découvrir. Plein de choses à découvrir dans le morning. Et du son, eh bien, les 21 Pilots se préparent. Upton Funk aussi, c'est un grand classique qu'on va retrouver avant 8h30. Pitbull, Florida, Soprano, tout ça c'est pour nous. Et les infos maintenant avec Rémi, le point sur l'actu. Ouais. Et en deux minutes, on va tout savoir. Et on va commencer par la météo. Ah, déjà 8h05, désolé du petit retard. Hein. Ouais, bah, il fait beau aujourd'hui, encore une fois. Voilà, une belle journée qui s'annonce. Bon, on a un petit peu de nuages ce matin à l'ouest à cause d'une perturbation. Du coup, ciel couvert de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, mais rien de bien méchant. Les températures pour ce matin de saison, de 5 à 10 dans le nord, de 11 à 16 dans le sud. Il fera de 15 à 25 au meilleur de la journée. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices partout entre 2 et 4, sauf à Perpignan où ça monte à 5. 1,5. 1 500 € à gagner dans un instant. Attention, préparez-vous, on vous appelle, vous répondez Skyrock. C'est pour vous et les infos tout de suite et des nouvelles de Balotelli. On va rigoler encore, tiens. Du nouveau pour les étudiants qui souhaitent faire un master, l'accès au bac plus 4 sera désormais conditionné à la réussite d'un concours. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a trouvé un accord avec les syndicats étudiants et les présidents d'université. Un dispositif mis en place pour filtrer les demandes parfois très nombreuses auxquelles les facs ne peuvent pas toujours répondre. En contrepartie, les établissements s'engagent à garantir le droit à la poursuite d'études. Le candidat refusé au master de son choix pourra solliciter le recteur qui devra lui faire 3 propositions. Des créations d'emplois en vue près d'Amiens dans les Hauts-de-France. Amazon confirme la construction d'un nouveau centre distribution pour approvisionner tout le nord du pays. Ce sera le plus grand construit chez nous. Le site fera travailler à temps complet entre 500 et 750 salariés d'ici 2020. Il n'est pas encore candidat mais commence à durcir le ton contre ses futurs adversaires. C'est un petit peu le sentiment général ce matin après le meeting tenu hier soir à Strasbourg par Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'économie s'en est pris à tout le monde et parle de malaise démocratique. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy en ont pris pour leur grade. Le probable futur candidat estime que certaines fautes doivent être d'office disqualifiantes. Allusion aux affaires en cours de l'ancien président et à la condamnation du maire de Bordeaux dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Prudence si vous utilisez comme beaucoup de monde l'application Facebook Messenger. Des liens apparaissent là depuis quelques jours. Il est souvent envoyé par un ami. Alors on y voit son nom, sa photo de profil, bref, tout pour que on clique dessus. Et bah forcément, c'est un piège qui renferme un virus. C'est très sérieux car une fois que le clic est fait, une extension peut s'installer et là, ça y est, cheval de Troie, il va voler tous vos mots de passe, y compris vos informations bancaires et forcément ça devient très très dangereux. Merci de nous prévenir Rémi. Il y a Marie du soir, je vous le disais tout à l'heure, qui a été victime de ça. Ça y est, elle a un cheval de Troie et la pauvre. C'est pour elle, oh la pauvre, oui. Ouais, ouais. On lui dira que tu compatis Rémi. Je compatis, ouais. Elle va être contente. On parle foot maintenant. Oui. Avec les petites révélations de Balotelli. L'attaquant star de l'OGC Nice qui a répondu aux questions de Sky Sport Italia. Il se dit très heureux d'être chez les Aiglons et tente d'expliquer sa soudaine réussite. Alors pour rappel, l'Italien a marqué 5 buts en 3 matchs alors qu'il n'avait inscrit que 4 buts en 28 matchs chez Liverpool et encore moins du côté de Milan. Il estime que sa relation avec Klopp, le manager de Liverpool, était inexistante et qu'il n'a fait aucune erreur technique ou comportementale. Il met ce manque de réussite sur le compte de la malchance et compte bien retrouver des couleurs sur la Côte d'Azur. C'est d'ailleurs pour le climat qu'il s'est engagé à Nice à l'origine. Il a déclaré qu'il n'en pouvait plus de se réveiller en Angleterre avec les pieds engourdis par le froid. Oh, pauvre Balotelli. Il n'a pas le chauffage chez lui, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec ce qu'il gagne, il pourrait l'acheter. C'est une bonne idée que t'as eu, Rémi, c'est bien. Toi, t'es pas si con que ça, tu vois. Ou des chaussettes. Ou des chaussettes, voilà. Pas con, Romano. Ou une bouillotte. Plus, des chaussettes chauffantes. Voilà. Quelques idées pour notre ami Mario. Super Mario Balotelli, le nouveau niçois. Rémi, on t'en trouve dans une demi-heure et là, on vous offre 1 500 € sur Skyrock. Ils ont tous un super pouvoir. C'est un anneau là-bas. Eh ben non, c'est une fusée. Mais non, c'est Super Pif. Difool, alias Super Pif. Romano, alias Super Radin. Cariole, alias Super Rire à la con. Cédric, alias Super Classe. Eh oui, ils ont des super pouvoirs. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et bonne journée à vous, bonne chance pour les 1 500 €. Attention, là j'ai un tirage dans l'annuaire. Donnez-moi l'enveloppe. Je te la donne, Romano. C'est dans l'annuaire qu'il a été tiré, celui-ci. Et dans une demi-heure, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit depuis 6h du matin sur le 7-20-20. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour tout à l'heure? Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 8h30. Jusqu'à 8h30 au 7-20-20, vous envoyez 1 500 € au 7-20-20. Et promis, on en tire un ou une au sort qui s'est inscrit ou inscrite ce matin. Ouais. Restez bien à l'écoute du morning. Comme tu es bon, Difool. Ah, la bonté me perdra, c'est ce que me disent mes amis. Bon, c'est tombé il y a une demi-heure, les 1 500 € chez Kathleen. On lui fait un gros bisou et nous écouter dans la voiture, ouais. Tranquille. Et ben, on espère que c'est la même chose pour vous maintenant. C'est parti, 1 500 € à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant, tout de suite, ouverture de l'enveloppe. C'est ouvert. J'ai entendu. 1 500 €. Eh oui, il y a le chèque. Boulogne-sur-Mer. C'est la ville. Nous allons là-bas chez une Priscilla. C'est Priscilla. Priscilla Lancon. D'accord. C'est Priscilla Lancon. Très bien. Priscilla ou Lia? Priscilla. Priscilla. Là. Bonjour Priscilla. Madame Lancon. Ah non, c'est monsieur. Bonjour monsieur Lancon. Lançon, pardon. C'est mieux. Avec la cédille. C'est mieux avec la cédille. On n'avait pas vu qu'il y avait une cédille. Il n'y avait pas la cédille. Bonjour monsieur Lançon, comment allez-vous? Ça va. C'est la radio monsieur Lançon. On est en direct à la radio dans toute la France. Et on vous appelle ce matin pour vous offrir 1 500 €. Oui. Il faut répondre à une question. C'est quoi votre prénom? Michael. Alors Michael, il faut nous dire quelle est votre radio préférée. Si vous avez la bonne, vous gagnez 1 500 €. Michael, je vous écoute. Inspiré, radio, a priori. Comment tu es dit? Fun. Ah, c'est pour ça que t'as fait. Ah ouais. Et non, il ne s'agit pas de fake radio. C'était Skyrock au téléphone. Ah, d'accord, ok. Et oui, Skyrock pour 1500 euros. Tu réponds Sky, tu gagnes 1500 euros. Tu sauras pour la prochaine fois. Hein. Ok. Bon, on te souhaite une bonne journée. À vous de même. Et viens te brancher sur Skyrock, t'arrêteras de faire. Bon, bonne journée à toi, Mickaël, on t'embrasse. Au revoir. Salut Mickaël. Ciao, bonne journée. C'est vrai que Skyrock, ça met plus en forme quand même. C'est, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. 1500 euros dans une demi-heure, c'est pour vous. Inscrivez-vous au 7-20-20. Allez, c'est le petit tuyau qu'on vous a donné ce matin. Tout à l'heure, à 8h30, 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas. Des réveils. Ouais, c'est pas le morning qui fait. Non. Ah non. Et dans un instant, réveil de star. Il est 8h11 sur Sky. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you. But then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Toi, du One Pilot sur Skyrock avec Ride. Dans un instant, c'est Upton Funk qu'on va retrouver. Mark Ronson et Bruno Mars. Mais tout de suite, le réveil de star avec celui qui est leader tous les soirs. Leader entre 19h et 20h de. Non, il est 12e. Devant toutes les chaînes de télé, à part le 19-20 de France 3. Eh oui, quand même. L'émission la plus regardée entre 19h et 20h, c'est le 19-20 de France 3, deuxième. Et bah, c'est Nagui. Nagui. Nagui qu'on retrouve ce matin. Il écoute parfois l'émission, Nagui, quand il On l'a déjà eu en ligne. Ouais, il est venu nous faire un petit coucou. On te salue, Nagui. Autrement, envoyez-lui un message sur ses réseaux sociaux. Dis-lui qu'on parle de lui sur Sky. Bonjour, Nagui. Nagui, il est numéro 1. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Il est numéro 1, mais par contre, il dit 4 fois bonjour. Oui. Il est gentil, il est poli, ce Nagui. Hein. Comment ça va? Ça va pas mal, Nagui. Ça va pas mal, pas mal. Content d'être avec toi ce matin et content de réveiller les familles de France. C'est l'heure du réveil de star. On a appelé des familles. Ouais. Pour voir s'il va être bien reçu. C'est la famille de Mickaël qui s'y colle maintenant, là. Les stars réveillent la France. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors? Mais c'est quoi cette conne? C'est le réveil de stars sur Skyrock. Je sais que vous avez envie de me parler. Oui, Nagui, j'espère qu'ils ont envie de te parler. C'est l'heure du réveil de stars tout de suite. Nagui et tout le monde veut prendre sa place. Nagui et n'oubliez pas les paroles. C'est ça. Nagui et taratata. Peut-être enlève Nagui à France 2, il n'y a plus rien. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. Voici Nagui et Mickaël. Et la famille de Mickaël, le réveil de stars ce matin. C'est parti. Oui, allô?

Funk sur Skyrock, c'est parti à 8h21. On va faire un sondage express sur une star du rire en France. Mais d'abord, il faut découvrir le nom de la star du rire en France. C'est donc l'invité mystère. Mais comme tu es intelligent, Romano. La bonne réponse vaut un iPhone 7. Exactement, tout l'invité neuf. Mystère à découvrir tout de suite, on y va. L'invité mystère. What? Oui, vous découvrez l'invité mystère, ça c'est pour gagner votre iPhone 7. Il suffit de nous donner son nom, je vous passer sa voix, vous pourrez découvrir son nom très très vite. Vous nous envoyez vos messages au 41 759, ou alors avec l'appli Skyrock, c'est gratuit. Vous laissez bien vos numéros de téléphone et vous gagnez l'iPhone 7. Et juste après, on fera un test de personnalité de notre invité mystère. Ça a l'air bien ce qu'on va faire. Ouais, en gros, je demanderai si vous le trouvez drôle ou pas drôle. D'accord, vas-y, ouais, on fera un petit test ce matin, mais d'abord le voici. Bonjour l'invité mystère. Salut. Salut. Salut. Vous l'avez reconnu? Ouais. Salut. Salut. Pas facile, hein? Salut. Oh, si. Ah, Romano, il t'a reconnu, il t'aime bien. Eh, hey, copain. Un copain. Hey, copain, salut. Eh, hey, copain Romano. Ouais. Eh ben, vous avez maintenant toutes les possibilités pour nous envoyer votre message. L'appli, le 41759, mais il faut le faire très vite. C'est le premier ou la première qui gagnera son iPhone 7. C'est à gagner, c'est tous les matins sur Skyrock. C'est qui notre copain? Eh, hey, copain. Eh, hey, copain, bonjour le copain. Salut. Salut. Hey. Invité mystère, comique. Donc voilà, je vous ai donné un petit indice, vous le reconnaissez. C'est ses meilleures blagues, là. Ah ouais? Ah merde, je suis dit qu'on m'avait préparé des blagues rigolotes. On a passé les deux meilleures blagues. Oh merde alors. Hop là. Allez, dans un instant, on vous retrouve en direct avec nous. Bonne chance. Et bon iPhone 7 sur Skyrock, 8h22. Bah, pourquoi tu cries? Ah, t'as retrouvé le bulletin du petit. Mais non, je suis énervé là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Assieds-toi, maman, je m'occupe de toi. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et là, viens la salade, hein, mon chou biglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarp bleu turquoise est à seulement 379 euros. Ikea. Marionneau. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle, jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Marionneau avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offre et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez de prix imbattables comme le lave-linge phare 6 kg à 199,99 euros seulement. Alors, qui fait mieux que les records à battre? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Intersport. But! Chérie, j'ai rien à mettre ce soir. Ah ben, prends mon deuxième maillot de foot que j'ai eu à moitié prix chez Intersport. Paul, on va au resto ce soir. Je suis pas certaine que ça aille avec mes escarpins. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Du 5 au 15 octobre, choisissez un maillot réplica junior ou adulte et bénéficiez de moins 50% sur le deuxième maillot. Oui, votre deuxième maillot à moitié prix. Dépêchez-vous. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boots tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20 euros de réduction tous les 50 euros d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Hé, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Hiver chaud. Hémisphère sud. Radiateur fonte. Chauffage performant. Inertie sèche. Prix doux. 89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Le radiateur 1000 watts avec double cœur de chauffe pour une diffusion optimale de la chaleur est à seulement 89 euros, éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur r-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Allez, debout, garde à vous. Ouais, 8h26. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et le seul morning qui vous offre 1500 euros toutes les demi-heures, c'est Skyrock. C'est nous, tous les matins. Et dans un instant, on fait un tirage au sort parmi tous ceux et toutes celles qui sont inscrits et inscrites depuis 6h. Ouais. Au 7-20-20, vous envoyez 1500. Vous pouvez encore le faire maintenant. Le tirage au sort, on l'a pas fait. On le fera pendant les infos de Rémi. Donc, jusqu'aux infos de Rémi. Allez-y, envoyez. Et vous gagnez vos 1500 euros. Là, on a un beau cadeau aussi à vous offrir. Ah bah, ça vaut la moitié d'un chèque de 1500 euros. C'est l'iPhone 7 et c'est pour Jonathan au téléphone avec nous. Hi, Jonathan. Hi, Jonathan. Salut, Deepool. Salut, toute l'équipe. Salut. Oh, salut. You're welcome, man. Welcome on Skyrock. Big up, Jonathan. T'habites à Croix. Où, l'équipe? Croix, c'est dans le 5-9, hein. Ouais, c'est bien ça, juste à côté de Roubaix, Lille. Ah, on salue Roubaix, Lille, Tourcoing. Ah, salut les copains. Et on te souhaite bonne chance, tu as trouvé le nom de l'invité mystère, il est là. Salut. Salut. C'est... Salut Franck Dubost. Eh oui, Franck Dubost. Eh hey, copain. Eh hey, copain. C'est gagné, l'iPhone 7. Bravo. C'est dommage qu'on voit pas ton petit slip rouge, hein. Ah, le casque rouge de Franck Dubosc. Alors, on va faire un sondage sur Franck Dubosc. Vous votez au 41-759 et sur l'appli Skyrock, vous nous dites, vous trouvez drôle ou pas drôle? Tu le trouves drôle ou pas drôle, Franck Dubosc? Ouais, sans plus, il y a quelques passages, des fois, il fait un peu rire, mais après, dans l'ensemble, je suis pas un fan de Franck Dubosc. Moi, j'aimais bien Camping, moi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a quelques classiques de lui où c'est pas mal, après, bon. T'as regardé les premiers trucs qu'il faisait, là, pour toi, public, c'était marrant, ça. Ouais. Pour toi, public? Ouais, c'est ça, c'est des sketchs où ça passait, mais bon, après, c'est, des fois, il y a le gros beauf et tout. Ouais, voilà. Donnez-nous votre avis, hein, sur Franck Dubosc. Donc, toi, moyen, Franck Dubosc. Ouais, toi, ta gueule. Moyen. Toi aussi, ta gueule. Oh, mais, ça, il supporte pas quand tu dis. Il a pas l'air sympa, tu vois. Alors, Franck Dubosc. Eh ben, bonjour à lui. Rigolo, pas rigolo. Il vient de se faire habiller, le mec. Vous nous laissez vos messages. Un petit sondage express qu'on fait ce matin. Donc, l'iPhone 7, il est pour toi, on te l'envoie à Croix dans le 5-9. Super, merci beaucoup, Eric. Bravo. Continuez comme ça, vous êtes vraiment géniaux. Bah, écoute, merci à toi, c'est sympa, Jonathan. Toi aussi, continue, t'es vraiment génial, t'écoutes la bonne radio le matin. Ouais, c'est ça, j'ai fait le bon choix. Oui, ouais, c'est bien, t'as bon goût. La journée commence bien, là. Eh bah, pour toi, ça c'est clair. Pour nous aussi. Est-ce que vous avez regardé, t'as regardé le truc de Franck Dubosc sur M6 hier? Il y avait J'ai zappé, ouais, j'ai vu quelques extraits. Ouais. Carriole, elle a tenu 2 minutes avant de nous écouter. Ouais, c'était pas super. Non, ouais, ça avait l'air un peu con. Alors, justement, on a quelques punchlines. Mais j'ai pas compris, moi. Ouais, bah tiens, on va les repasser ce matin. Les punchlines de l'émission de Franck Dubosc, ou de la série de Franck Dubosc qui est passée. Mais c'est quoi, c'est un truc qu'il faisait une fois ou c'est un truc qui va revenir? Il va avoir 4 épisodes de ça. Voilà, il y a eu Mais ils ont pas passé les 4 hier d'un coup? Non. Ah non. 4 épisodes de ce truc. Alors regarde, enfin, ce truc. Alors attention, on va rire. Punchline. Sa femme revient à Franck Dubosc avec des nouvelles chaussures. C'est quoi dans cette boîte? Quoi? Et j'espère que c'est pas encore des chaussures parce qu'à un moment donné tu vas manquer de pied, ma chérie. Là, il est en train de bouffer avec son oncle et l'oncle il a un dentier. Ah, ça lui irrite. Eh ben, heureusement que vous avez pas un anus artificiel. Hein? Non, je dis, il y a des cumulus dans le ciel. M'en fous. Ah, une autre. Je suis contente, j'avais trop envie de me faire un chinois. Il y en a deux en cuisine, tu veux que je leur demande? Ouais. Celle-ci, elle est pas mal. Non, celle-ci, moi, celle-ci, elle est pas mal. Hein. J'aime bien. Et la dernière, alors, il est en train de bouffer, toujours avec le tonton. Le tonton qui a des gaz pendant leur pain. Ah, merde. C'est des gaz. Ça sent le caca. Léo, s'il te plaît, on reste poli. Je vais clapser. Il est malade, tonton. Je crois qu'il faut changer. Bon, vas-y. Ou alors on attend que ça sèche. On n'aura plus qu'à gratter. Bon, on y va tous les deux. Voilà. Alors, moi ça me fait rire parce que le dernier ça me fait penser à Cédric. Oui, moi aussi. Nous, c'est pas notre tonton, mais c'est notre Cédric Adou là. Ah ouais. Bon, Franck Dubosc, drôle, pas drôle. Ouais, il y a mieux quoi. Vous nous envoyez vos messages. L'émission d'hier, ouais, a priori, il y a mieux. Ouais, il y a mieux. Après, ouais. On n'a pas tout vu en entier, mais on était en émission, donc on s'est bien marré sur Sky en tout cas. Oui. Merci pour vos messages. Et merci Jonathan, bravo pour l'iPhone 7. Merci à vous. On t'envoie ça tout de suite. Bonne journée, merci. Bah, bonne journée à toi aussi. Il est 8h30, on retrouve les infos avec Rémi là dans un instant. Ouais. Mais avant ça, Pitbull, Florida, j'avais promis, on se prend le temps de écoute, on sera un peu en retard pour les infos, c'est pas grave. Hein. Oui, bah, de toute façon, Rémi n'est pas prêt. Donc ça vous laisse. Non, mais il est en train de se promener, je sais pas ce qu'il fait. Il est dans l'appart, il se balade. Et on aura vos 1500 euros à gagner. Ah bah tiens, les dernières secondes pour s'inscrire, c'est pendant Pitbull et Florida sur Skyrock. 7-20-20, vous envoyez 1500. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything. Anything that you dream, I wanna make it ooh, ah, feel you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Allez, à 8h33, Florida et Pitbull. J'ai les résultats de notre sondage express. Même si vous êtes encore en train de voter, on fait un petit point. Franck Dubosc, drôle ou pas drôle? Les résultats donnent. Il va être content s'il nous écoute, Franck Dubosc. 69% drôle, 31% pas drôle. Non, mais là, c'est pas. Bon, là, en même temps, on a écouté 3-4 extraits. Oui. Mais dans Camping, il est quand même marrant et il a fait des spectacles marrants aussi. C'est vrai. Moi, j'aimais bien quand il faisait les petites annonces avec Elie Simoun. Ah ouais, trop bien. C'est super. Ah ça. Ouais. Donc, il faisait Mercedes et tout. Là. Donc 69-31, c'est bien. Ouais, ça va, ouais. C'est pas mal. Bravo, Francky. Je pensais que ce serait plus serré. Bravo, Francky. Félicitations. Tu es content? Super. Super. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Romano? Toi, ta gueule. Toi aussi, ta gueule. Ah, moi aussi, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Merci, Franck Dubosc. C'est réglé. C'était notre invité mystère ce matin. Dans un instant, 1500 euros à gagner. Vous vous êtes inscrit depuis 6 heures. Et bah, ce matin, on fait un tirage au sort spécial pour tous ceux et toutes celles qui sont inscrits depuis le début du morning. Mmh. C'est pour vous. Donc, ça devrait tomber dans un instant. Hein. Normalement, oui. Je croise les doigts. J'ai l'enveloppe. On ouvre ça d'ici quelques instants, juste après les infos de Rémi à 8h34. On fait le point sur l'actu. Vous allez tout savoir. On parlera du PSG. Dans un instant, mais d'abord on va parler météo. Ouais, et ben c'est encore une belle journée côté météo qui nous attend. Vous le voyez là, si vous ouvrez la fenêtre, il fait déjà beau dehors, sauf dans l'ouest. Bah oui, on a une petite perturbation qui fait que le temps est nuageux en Aquitaine, de l'Aquitaine à l'Auvergne, mais rien de bien méchant. Hein, ça va se lever au fil des heures. Les températures qui commencent à baisser et à retrouver des normales de saison, de 5 à 10 dans le nord, de 11 à 16 dans le sud. Il fera de 15 à 25 cet après-midi et puis la pollution, bah c'est nickel. Les indices compris partout entre 2 et 4, et sauf à Perpignan où ça monte à 5. Et en fait, ce sera la journée mondiale des enseignants aujourd'hui, des enseignants et des profs, avec la compile du jour qu'on retrouvera vers 9h-5 tout à l'heure. Avant ça, avant la compile du morning, avant l'horoscope de l'amour, avant les conseils pas chers, les infos avec Rémi et les 1500 euros juste derrière. Un jeune homme de 18 ans mis en examen et écroué hier soir, il est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque terroriste. L'individu décrit comme fragile était en lien avec le djihadiste Rachid Kassim sur le site Telegram. Il a été interpellé en fin de semaine dernière en région parisienne et n'était pas connu des services de renseignement. Alstom Belfort, sauvé par le gouvernement. L'État va bien commander 15 TGV pour un montant de 450 millions d'euros. Le site promis à l'arrêt va donc pouvoir tourner à plein régime, tout du moins pendant dans deux ans. Les rames achetées circuleront sur les lignes Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. Seul problème, il va falloir adapter le réseau qui, pour l'instant, est prévu pour accueillir seulement les intercités. C'est bien, comme ça, on achètera des rails et tout ça, ça fait tourner l'économie. Ouais, ça fait dépenser l'État. Et puis, c'est sympa pour nos amis de Belfort, là. C'est ouais, cool. Ça, c'est vrai, c'est cool. Oui. Une nouvelle affaire qui fait tâche dans le secteur de la santé. Un infirmier libéral de l'Ain est soupçonné d'avoir escroqué l'assurance maladie. Le montant du préjudice s'élèverait à 880 000 euros. L'individu surfacturait ses prestations ou créait carrément des fausses factures, selon les enquêteurs. Une information judiciaire a été ouverte. Cuba frappée cette nuit par le terrible ouragan Matthew. 1 300 000 personnes évacuées. Les vents n'ont pas soufflé aussi fort dans la zone depuis plus de 10 ans, avec des rafales qui atteignent les 220 km/h. Le bilan fait d'au moins 7 morts à Haïti, mais aussi en République dominicaine. Matthew menace désormais les côtes américaines. La Floride et la Caroline du Sud sont d'ailleurs en état d'urgence maximale. Là aussi, les autorités ont déjà évacué 1 million d'habitants. On parle du PSG maintenant, le PSG qui veut plus d'argent, et puis enfin un tour aussi du côté du Hand. Et pour trouver plus d'argent, bah, il faut se tourner vers qui? Les sponsors. Eh oui, négociation ouverte entre le club de la capitale et Nike. Nasser Al Khelaifi veut rediscuter les termes d'un contrat établi il y a déjà 3 ans. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Comme on dit, le PSG a intégré le top 8 des clubs européens. Nike donne chaque année 24 millions d'euros au PSG, alors que Chelsea en prend 78 millions. Alors vous allez me dire, Chelsea a gagné la Ligue des Champions, c'est vrai. Mais c'est quand même une incohérence pour la direction, qui rappelle que les Parisiens ont battu par deux fois les Blues en Ligue des Champions. L'idée n'est pas d'avoir autant que Chelsea. La première ligue anglaise rapporte bien plus que la Ligue 1. En revanche, Nasser Al Khelaifi espère bien négocier 10 à 15 millions de plus tous les ans, de quoi faire peut-être des beaux transferts. Quoi qu'il en soit, ça restera bien bien loin des 100 millions payés par le principal sponsor du Real. Du hand avec la troisième journée de la première division ce soir, 6 matchs à l'affiche. Montpellier, c'est son Rennes, Sarran Nantes et Nîmes Toulouse à 20h, Créteil Célestat à 20h30 et Chambéry Ivry, Paris Saint-Germain avec Aix-en-Provence à 20h45. Merci Rémi pour les infos, c'est l'heure de vos 1500 euros, vous les attendez, vous vous êtes inscrit depuis 6h ce matin, et bien c'est pour vous. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le Morning de Difool sur Skyrock. Oui, c'est vrai que la journée démarre bien. Enfin, bisous à Kathleen, qui a super bien démarré la journée avec nous il y a une heure. Oui, elle est dans sa voiture. Ouais, dans sa voiture et dans le 60, elle a gagné 1500 euros. Elle a répondu Skyrock. Bravo. Faites la même chose que Catherine. C'est ce qui devrait se passer maintenant. Attention, attention, on y va pour les 1500 euros. Parle-nous juste avant de tes conseils pas chers, Romano. On va parler de la Poste. La Poste est en grève. Il y a beaucoup de problèmes. Ils sont en grève? Ouais, mais dans plusieurs villes. Ah, pas partout? Non, pas partout, mais il y a un paquet d'endroits. Ils sont pas contents. Très bien, la Poste, tu pouvais éviter de m'envoyer mes impôts. Moi, ça me dérange pas. Ah, bah, moi, je les ai reçus, moi. Ah, t'as reçu? Moi aussi. Taxe d'habitation, là. Pas cher, hein. Bah, ça va pas en baissant. C'est vrai que la Poste amène. Si vous y êtes pour rien, les amis de la Poste, hein, elle vous amène que des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai que des factures, des trucs à payer. Bah, c'est vrai que tu reçois plus que ça maintenant. Bah oui, avant, t'avais des lettres de ta grand-mère qui disaient salut. Comment ouais, les cartes postales et tout. Fini les maintenant, c'est des factures. Ouais, bon, la Poste, on s'en occupe, mais d'abord, on s'occupe de votre argent. 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show! Oui, l'enveloppe est là. Hop là, c'est Skyrock qui vous offre 1500 euros. Mais à qui on va offrir 1500 euros ce matin? Si vous êtes inscrit depuis 6h au 720 en envoyant 1500 et que vous habitez dans le 91, c'est peut-être pour vous. Est-ce qu'on a l'heure de l'inscription? Est-ce qu'on a l'heure de l'inscription? Ah, oula, panique au standard. Quelle question je n'ai pas posée. Oui, carrément. Donc, on a l'heure, gros. Ah, quelle heure? 8h09. 8h09. Vous avez bien. Donc il y a 30 minutes pile. À 8h09 dans l'Essonne, à Athis-Mons. On appelle tout de suite. Allez, c'est parti. On file chez François Admi. Marrant comme nom. Est-ce qu'il va être admis? Eh bien, j'espère. Est-ce qu'il va être admis dans le club des gagnants des 1500 euros sur Sky? Vous avez beaucoup d'humour. Oui. Oui. Hey, carrément, il manque. Ah là, bah, elle est contente. Hein. Oui. Bonjour, monsieur Admi. Bonjour. Bonjour, François. Tu es François, toi, hein? Ouais, François le Français. François le Français. Continue dans la déconne. François le Français, François le Gaulois. Eh oui. Tout à fait. François, on va te demander quelle est ta radio préférée. Allez, on perd pas de temps. Skyrock sans hésitation. Oui, et tu as gagné 1500 euros ce matin. Bravo François. Et ouais. Ah, je suis trop content, vous déchirez grave. Eh ben t'assures François, présente-toi un peu, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, tout alors, ça? Alors j'ai 34 ans, je suis militaire depuis 10 ans. On a eu la pub de l'armée de l'air tout à l'heure, on a un militaire qui gagne maintenant. Ouais, donc voilà, je fais une grosse dédicace à tous ceux qui vont me reconnaître. Salut l'armée. Et puis voilà, donc franchement, je vous écoute tous les matins, vous êtes au top, changez pas. Et là, c'est super. Tu nous écoutes en treillis? Ça excite beaucoup Romano. Ah ouais, mais dans un état, mais pas possible. Dis-moi que t'es en treillis. Non, Romano. Ah, oh, merde. Est-ce que t'as au moins un slip kaki? Dis-lui oui, parce que ça va lui faire plaisir. Tout à fait. T'avais un slip kaki, Romano? Non, t'avais un slip caca, toi, quand t'étais petit. Non, moi, c'est blanc, ou à une période, il nous donnait, mais des jaunes. Oui, car Romano a été militaire. Lycée militaire d'Autun, collège militaire d'Autun. Ah, ouais. Bah ouais. Vive l'armée française. C'est un collègue, tout un collègue fait. À toi, tu vois, François. Eh ben, écoute, pour te rassurer, ben, tous les matins, enfin, à chaque incorporation, effectivement, ils te donnent toujours ces scripts-là, ces TA-là, qu'on appelle. Les fameux. Exactement, ça glisse toujours. Ça glisse, ouais. Ah, ça glisse. Ouais. Ça glisse. Oh, une petite dérapette. Ah, une petite glissade. Désolé. Bravo, en tout cas, François. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros, toi? Eh ben, c'est bientôt l'anniversaire de ma mère et je comptais lui offrir un petit voyage. C'est mignon. Pour la remercier. D'avoir mis au monde. Aussi bien de mes enfants quand je suis pas là. Très bien, c'est pratique, les mamies. Hein. Ah ouais, bien pratique, quoi. Ah ouais. Bravo, François. Ah ouais. 1500 euros. Bah, merci beaucoup. Et on prend tes coordonnées. Et puis inscrivez-vous pour la prochaine fois. Hein, vous vous inscrivez. Ouais, et comme quoi que ça maintenant. Marche. Bah oui, t'as vu. Bah la preuve. 7-20-20, vous envoyez 1500. Salut, François. Bise. À bientôt. Bisous, la famille. Ciao, ciao. Salut à toi. Ciao. Salut. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et dans un instant, Romano et ses conseils pas chers. Ouais. Et Soprano tout de suite, en feu à 8h41. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de vandale. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. C'était Sopra qu'on écoutait avec En Feu, bientôt en tournée avec Skyrock toute l'année prochaine. Il tourne dans toutes les villes de France, les petites, les moyennes et les grandes. Oui. Il sera partout, Soprano, tournée Skyrock. Autre tournée Skyrock, c'est Jules qu'on va vous offrir. Et ben avant 9h, dans moins d'un quart d'heure, on vous lance le top pour vous inscrire pour Jules. Vous allez voir Jules en concert, c'est complet à Marseille, c'est complet à Paris, c'est presque complet à Amnéville, presque complet à Nantes aussi. Il tourne le Jules. Et il tourne en rond. Ah bon? Eh oui. En tout cas, il le chantait à un moment. Je tourne en rond. Jules a gagné tout à l'heure dans la roulette. Mais avant ça, voici les conseils pas chers. Et ça, tout le monde peut en profiter. C'est Romano qui vous les offre. Ouais, et attention, arnaque en vue. Encore? Bah quoi, je vais arnaquer les gens, ouais. Ah d'accord, ok. Oui. Parce que tout à l'heure, il a dénoncé une arnaque. C'est bien quand tu dénonces une arnaque, ça nous évite de nous faire baiser après. Problème maintenant, problème avec la poste dans plusieurs régions de France. Il y a des postes qui sont en grève, dis-nous tout. Ouh là, les postes sont en grève. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Qui c'est qui est en grève? Alors attention, il y a de la grève. Le Parisien a fait un titre là-dessus. Ah ah. Attends, je... Le Parisien, Paris, les postiers sont toujours en grève. Oh. Le Havre, La Poste, comment sortir de la grève? Oh. Dans Vosges Matin, Vosges, grève dans les bureaux de poste. Oh. Sud-Ouest, le journal, hein. Ouais. Landes, la grève des facteurs pourrait s'étendre à tout le département. Oh là là, La Poste est en grève. Plusieurs grèves à La Poste ces derniers jours, un petit peu partout en France. Bon, réorganisation du temps de travail, postes vacants non pourvus, suppression de postes, réduction des horaires d'ouverture. C'est marrant, des suppressions de postes à La Poste. Les motifs sont nombreux et variés. Ah, c'est marrant, sauf si c'est ton poste à toi qui est supprimé, oui. Mais bon. Oui, c'est pas cool ça. Bon, alors ce matin, je remplace La Poste, société privée qui vient livrer le courrier. Qui dit société privée, qui dit livraison payante. Évidemment. Mais évidemment, Romano, tu as mis le doigt dessus. Même dedans. Où dedans? Bah, dans le truc, dans l'affaire, quoi. D'accord, dans l'affaire. Et donc, ce matin, tu veux livrer des trucs? Ouais, bah, je vais livrer le courrier aux familles en leur expliquant que maintenant, c'est payant, hein. C'est pour ça que t'as récupéré les enveloppes des 1500 euros et tout ça? Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de courriers à distribuer ce matin. Allez, c'est parti, on file, en France. On file chez Claude François. Ah, ah génial, ouais. Qui avait la même coupe que Donald Trump, mais 30 ans avant. Ah, Claude François. Mais il y a Matt Pokora maintenant, c'est nouveau un peu Claude François. Ouais. J'espère qu'il finira pas dans une baignoire, lui. Oui, avec une ampoule. Ouais. Allô? Ah merde, excusez-nous, ils avaient décroché, nous, Claude François, parler, ouais, Claude François, il a eu un problème. Vas-y, fais-en un autre, Karim. Ouais. Qui c'est que t'appelles? Christian. Christian, c'est parti. Chez Cricri. Bon, Cricri, il est content, il va avoir du courrier. Hein? Bonne nouvelle. Ah non, celui qui a les impôts, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Les impôts, le loyer. Oui, bonjour Christian. Christian. Allô Christian. Ouais. Ouais, bonjour, comment ça va? Ouais. Ouais, monsieur Lapin, c'est l'appareil. Je remplace La Poste, là. La Poste, tu vois, ceux qui t'amènent le courrier, là. Ouais. Ouais, j'ai du courrier à t'amener ce matin. Vous devez... Ben, non, parce qu'en fait, La Poste, ils sont en grève, là. Et moi, je suis la société qui les remplace. Ah bon, et puis ouais. Alors, je dois vous amener votre courrier, j'ai 5 lettres à vous amener, il y en a pour 20 euros. Non. Elle peut prendre le téléphone, la bonne femme? Oui, Prends-le le téléphone, là, au lieu de gueuler. Vous restez poli, hein. Je t'explique. Avant, vous n'avez pas à me tutoyer, je ne vous connais pas. Je t'explique, ma grande. Allô? T'as les deux. Ah, il t'a appelé ma grande. Rappelle-les. Ouais. Ils sont super. Ils sont super. 20 euros. Ouais. Je crois ils ont pris un sacré petit déj. Oui. Un peu alcoolisé. Ou alors c'est de la veille, mais c'est terrible. Ah, les lendemains de fête. C'est Christian, c'est ça? Ouais, c'est ça. Christian et sa femme. Sa femme est en guest star, en featuring, la femme de Christian. Ah, elle a fait une entrée splendide. Ah, ils en veulent plus. Non mais là ça va leur faire la journée. Bah là ils sont en train peut-être de s'engueuler derrière. Et pourquoi t'as rigolé quand tu m'as appelé ma grande, hein? Pourquoi t'as rigolé? Ah. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie Orange. Allô? Ah. Oui. Oui, bonjour. C'est la femme à Jean-Pierre. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bah oui, mais je vous connais pas. Eh bien je me présente, monsieur Lapin, c'est l'appareil. Je suis la société qui remplace La Poste pendant quelques jours étant donné qu'ils sont en grève. Et c'était pour vous dire, j'avais quelques lettres à vous amener. Attendez, je comprends pas. Oui, ça j'ai bien remarqué. Bon, dites-moi, alors, La Poste, ils sont en grève. Oui. Oui, donc le postier ne passera pas ce matin. Oui. Et moi, je suis la société chargée de vous amener votre courrier pendant la grève. Oui. Et donc ce matin, je vous préviens, j'ai 5 lettres à vous amener. Vous êtes chez vous? Attendez, je comprends pas parce que ma fille est factrice. Oui, bah elle est en grève, hein. Elle fout rien. C'est feignasse celle-ci, hein. Ah ouais, passe sur ton bistrot. Ah, c'est dingue. Ah, je la connais, c'est une collègue. Mais on vous a rien dit. Bah voilà, deux embrouilles en deux minutes. Bravo Romano, chapeau. Ah vraiment. Ouais, bien. Bon, deux embrouilles en deux minutes. Par contre, tu livras pas de courrier. Ouais, c'est pas facile. Bon courage, vous travaillez à La Poste. Ouais, bon courage, les postiers. Si vous êtes plein, vous réveillez avec nous. Tiens, il y a Mona et Ryu qui nous dit, je suis facteur, mais à La Poste. Mais pas à La Poste. Ah, et ça fait toujours bizarre aux gens. Ah, il a fait la même chose que toi, Romano. Pareil pour une boîte extérieure, pareil. Salut les postiers, on salue Guillaume qui est postier. Je suis en train de. On a parlé l'autre matin, la nouvelle boîte de livraison. prison là qui s'appelle DPD là. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Sympa comme nom. Ils ont bien choisi le nom, franchement les gars, vous avez assuré. Myriam, elle est sur son vélo, elle nous écoute aussi. On te fait un gros bisou, Myriam. Ah, on fait un bisou également à notre fidèle auditeur, Jules du 02. Jules Facteur. Ouais, Facteur sur son vélo. Vélo sans selle. Salut Jules. Didier travaille à la poste. Putain, il y a toutes les postes de France qui écoutent Skyrock. Et bien vous pourrez dire à vos collègues qu'on a parlé de vous ce matin sur Skyrock. Ah, vous a mis en valeur. Dans les conseils pas chers. Dans une minute, l'horoscope de l'amour. Et puis on retrouve notre compile du jour, la compile du morning. C'est tous les matins, juste avant 9h. Et aujourd'hui, on va parler des profs amochés. Pourquoi ? Parce que c'est la journée mondiale des profs et des enseignants. Eh bien, bonne fête, les professeurs. On a pensé très fort aux profs et aux enseignants. Et d'ailleurs, dites-nous si vous aussi, vous avez eu des poches, des profs un petit peu amochés. C'est-à-dire un petit peu bizarre, un petit peu chelou. On en reparle tout de suite et notre compile arrive. Et puis le son aussi, celui de The Weeknd. Grosse découverte Skyrock, The Weeknd et les Daft Punk tout de suite. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. Carrefour. Chérie, j'ai donné le biberon à ton petit neveu, tu peux le changer. Tu veux pas plutôt le garder pendant que je vais acheter des couches? Ah mais je les ai déjà. C'est les 15 jours bébés chez Carrefour. Et jusqu'à demain, on a 70% d'économie sur la carte Carrefour sur les couches Pampers. Ah donc je change la couche là. Bah oui tonton, au boulot. En ce moment, c'est les 15 jours bébés chez Carrefour. Jusqu'à demain, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 70% d'économie sur les couches Pampers sur la carte Carrefour. Actifit Baby Dry taille 3 à 6, Baby Dry Pants taille 4 à 6. Voir modalité magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour. Du gros son tous les matins sur Skyrock, The Weeknd qu'on écoutera avant 9h, dans un instant c'est Designer. Ah ouais, je l'avais promis aussi. Panda, on va dabber. Et tout de suite l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On va lover, peut-être sexer, on va voir. Hein, la puissance amoureuse de tous les signes. La voici, l'horoscope de ce mercredi 5 octobre sur Sky. On va commencer par les cancers et les sagittaires. 0 ouais. sur 5. Une tendance à trop réfléchir dans le domaine amoureux. Vous posez trop de questions aujourd'hui. N'analysez pas tout, ça se passera mieux comme ça. 1 sur 5, les balances et les poissons. Faites gaffe aux apparences aujourd'hui. Écoutez, surtout votre première intuition. C'est souvent la bonne. 2 pour les capricornes et les taureaux. Attention, ne vous énervez pas pour rien. Évitez de foncer dans le tas aujourd'hui et tout se passera mieux si vous restez calme. 3 sur 5. Les Gémeaux et les Scorpions, c'est bien, vous êtes en mode câlin, en mode lover et loveuse aujourd'hui, et ça vous réussira plutôt très bien. 4 sur 5, les Verseaux et les Béliers, c'est votre répartie qui fera sensation, vous avez les bonnes punchlines que vous sortirez au bon moment aujourd'hui, les Verseaux et les Béliers. 4 et pour les meilleurs du jour, c'est un 5, comme d'hab. C'est pour les Lions et les Vierges aujourd'hui. Pour les Lions et les Vierges, si vous êtes en couple, vous saurez vous rendre indispensable aux yeux de votre partenaire. Et pour les célibataires, vous saurez quoi dire pour attirer l'attention sur vous. 5 sur 5, Lions, Vierges, c'est vous les meilleurs. Et dans un instant, les profs amochés. Ah, on en a un paquet. Là, hein. Des profs bizarres qui ont fait la une de l'actu. On en reparle tout de suite. C'est la compile du morning qui arrive après Panda. Panda. Oui. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, et déjà des témoignages qui arrivent. Sarah, 26 ans, nous dit: moi j'avais un prof pervers. Absolument, oui. Il se grattait les couilles sur le coin du bureau. Bah, il y a peut-être des morpions. Moi j'avais une prof qui faisait ça là. Ah, elle se grattait la vulve? Non, elle était toujours posée la vulve sur le coin du bureau. Pareil. Elle adorait. Et on rigolait. Un prof de maths. Bon, on en reparle tout de suite. Les profs amochés, ils arrivent après Designer. I got broads in the London, just to don't mean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Killers understand it. I got broads in the land. Twisted to be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Celebrate, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chase a Dublina shoot, sip a fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign over to Lattice shoot. They be anti rent, I know we clap shoot. I be pulling myself in the finest shoot. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Legacies, phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot of the money. No some killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the booing, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are fitting. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is he panda? Packers roll, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go ask for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda. Panda sur Skyrock. Designer à 8h56, journée mondiale des profs et des enseignants aujourd'hui. On salue les profs, les enseignants et les élèves aussi qui nous écoutent ce matin. Oui. Oui, pensez à eux. Si vous êtes élève, n'hésitez pas à faire les suce-boules. Bonne fête, monsieur le professeur. Oui, ou madame la professeure. Oh, bonne fête, madame la belle professeuse. Alors, vous avez eu des profs un petit peu chelous, eh bien, sachez qu'on en a pour vous. C'est la compile du morning qui arrive dans un instant. Alors, qu'est-ce que vous avez comme prof bizarre? Ah, prof bizarre qui arrêtait pas de taper les doigts des élèves avec des règles. Ah, il prenait des règles et il tapait dessus. Mais Steph du 62, il est horrible ton message. Mon c'est prof, quoi mon moi, c'était prof, Willow, moi je lisais là. Mon prof de techno s'est coupé les veines, mais il est même pas mort, mort oh de rire. Oh, le con, il s'est loupé. C'est horrible. Mais c'est horrible, le pauvre, ça allait pas fort. Ouais, j'avais une prof en quatrième, en français, qui prenait le ballet et faisait la princesse ou la sorcière avec le ballet. C'est Kenzo. Ouais, elle était bouché, celle-là. Ouais. Elle était pas mal, celle-ci aussi. Hein. Moi j'en ai des pas mal, on va faire la compile. Non, par exemple, en France, tiens, un petit truc qui s'est passé en France, une prof qui se trompe et qui envoie un selfie à ses élèves. Elle voulait leur dire qu'il fallait réviser un truc. Bon, le problème, c'est qu'elle a envoyé un selfie, mais elle s'est trompée. Elle a pris un selfie nu. Ah, oh, merde. Ça, c'est la classe. Putain, mais, non, mais sa carrière, elle est finie, là. Comme elle a dû se faire traquer, oui. Je pense qu'il n'y a plus qu'à changer de bahut dans ce cas-là. Dans le même style, en Hollande, c'est une prof de SVT qui, pour expliquer l'anatomie à ses élèves, s'est foutue à poil. Et elle avait une combinaison avec un corps humain dessiné. Donc il y avait. Ah, genre avec les os et les organes. Les os, les organes, et il y avait tout. Hein, les os, les seins, les organes. Ouais. La foufouine, il y avait tout. Bon, on fait notre compile du jour. Allez, c'est parti. On y va. La compile du morning de Default sur Skyrock. Vous avez eu des profs un petit peu bizarres, Romano, à part ton prof qui s'appelait Œil de Lynx, je crois. Ouais, non, mais là, il avait une cataracte, en fait. Il avait la cataracte qui poussait sur les yeux. C'est une peau qui pousse sur l'œil. Et quand la peau, elle pousse, tu vois plus rien. Et il voyait pas bien, et nous, on passait notre temps à se foutre de sa gueule, quoi. Voilà, c'est pas gentil. Ben, genre, il y a cette prof de sciences physiques qui branchait l'électricité. Déjà, un jour, il avait tout fait disjoncter parce qu'il est branché dans le mauvais trou et il arrivait pas à viser les trous. Et la vie de voix de merde, il disait, vous voyez combien sur le voltmètre? On disait, oh, 10 000 volts. Oh là, il y a un problème. Il y a un problème. Ah ouais, ça y est, mais il y a un problème, ouais. Tiens, moi, j'ai un prof, il me demande des joints à la fin des cours. C'est ice cream. Salut, ah ouais, ice cream. Bon, on y va pour notre compile. Allez. Numéro 3. Numéro 3, on file en Californie. C'est un prof de maths qui a oublié d'éteindre son rétroprojecteur. Il regardait des trucs un petit peu bizarres puisqu'il regardait des photos coquines. Enfin bon, des photos de cul, même carrément. Hein. Ah ouais, donc ça apparaît sur l'écran dans la salle. Ouais, ça la fout mal. Ouais. Donc vous imaginez, hein, s'il fait ça à des sixièmes, ça doit être sympa. Ça. Ah là là. Il a dû avoir tous les parents sur le dos. Sympa. Petite séance donc de photos coquines avec le rétroprojecteur pour tous les élèves. C'était en Californie. Numéro 2. Numéro 2, on file aux Pays-Bas avec un élève qui s'est endormi en plein cours, fatigué peut-être, ça vous est peut-être arrivé ça. Moi jamais je me suis endormi en cours, j'y arrivais pas. Ah ouais, ouais. Facile moi. Moi jamais. Ouais. Eh bien un élève s'endort en plein cours, agacé par cette attitude évidemment, le prof s'empare de l'extincteur incendie, l'asperge de poudre anti-feu. Problème, c'est que l'autre fait une crise d'asthme et finit à l'hôpital. Sympa. Sympa, bien joué le prof. C'était aux Pays-Bas que ça s'est passé. Numéro 1. Et on voyage, on file aux États-Unis maintenant avec une prof qui a été suspendue pour un exercice de maths. Alors un exercice de maths, je vous lis l'énoncé de l'exercice. Oui. Joanne est proxénète. Il a trois prostituées. Si les services de chacune d'elles coûtent 85 $, combien de clients doit-elle servir pour que Dwayne ait 800 $ par jour pour acheter de la cocaïne? Ah oui, c'est sympa. Je te crois pas. Véridique. Véridique, c'est aux États-Unis. Bon, les nouvelles du prof, bah, c'est qu'il est plus prof. Hein. Ah ouais, il a arrêté. C'est même une prof. Les nouvelles de la prof, fini. Non, ils l'ont arrêté. Ah ouais, bizarre. Non, non, elle s'est pas arrêtée toute seule. Ils l'ont arrêté. Donc, elle est pas mal, celle-ci. Elle mérite le titre de première dans notre compil du morning ce matin. Et pensez bien à vos profs hein, ce matin. Ouais. C'est la journée mondiale des profs. Et on salue les profs qui nous écoutent. Il y a Virginie qui nous laisse un message, qui est prof. J'espère que mes élèves seront gentils avec moi et qu'ils m'offriront un cadeau. Ah, mais compte dessus. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Sûr. Bonne journée à toi, Virginie. Sois sympa avec eux, là. Surtout s'ils écoutent Skyrock. S'ils écoutent autre chose, ça clé. Ouais. Ouais, vas-y. Mais leur zéro et des heures de colle. Zéro, heure de colle, tout ça. On y va pour Jules. J'avais promis qu'avant 9h, on faisait l'inscription pour la roulette. Et bien, c'est parti maintenant. Vous envoyez au 7-20-20 roulette si vous voulez aller voir Jules en concert. La tournée de Jules, c'est évidemment une tournée Skyrock. Vous voulez gagner la tournée Skyrock de Jules. Vous choisissez vos dates. Vous choisissez où vous allez le voir, Marseille, Amnéville, Nantes, Paris. Au 7-20-20, vous envoyez roulette et on se retrouve en direct sur Skyrock pour faire tourner sur Sky. Il est 9h. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, alors cette foire au poisson Lidl ? Eh ben elle va vous emboucher un coin, hein. En ce moment, les moules de bouche au IGP Origine France sont à 4,99€ la barquette d'1,4 kg. 4,99€ les moules de bouche chez Lidl ? Moins de 5€ ? C'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché, patron, hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules, hein. On est vraiment mal. Oh, très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Assieds-toi, maman, je m'occupe de tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler les trésors. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarp bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Qui habille colore la vie. Madame, aujourd'hui, c'est le grand déstockage d'automne chez Guillaby. Une réaction ? Oh bravo ! Oh bravo ! Le grand déstockage d'automne, c'est jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 60% pour toute la famille. Des réactions, la famille ? Bravo, madame ! Du 5 au 18 octobre sur articles signalés, conditions en magasin et sur Guillaby.com. Guillaby, la mode à petit prix. Skyrock. Ryuno. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle ! Jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Ryuno avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offres et conditions sur Ryuno.com. Ryuno, la beauté qui me ressemble. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles acheté, un pack offert. C'est pas bon, ça ? C'est super, tu veux dire ? Eh oui, en ce moment, le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est chez Leclerc. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles, 30 lavages, variété au choix, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that Roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the fun time, I'm the competition, I don't really listen. I'm in the blue mood, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et bonne journée, bon réveil avec Sky. On a encore passé une bonne matinée, mais c'est pas fini. Dernière ligne droite pour la roulette au 7-20-20. Vous vous inscrivez, vous envoyez roulette et vous faites tourner avec nous pour aller voir Jul en concert. Les 1 500 € sont tombés deux fois ce matin, c'est bien. Ouais. On embrasse Kathleen. Gros bisous, Kathleen du 60. Elle était dans la voiture, elle nous écoutait, elle a gagné. Elle est actuellement dans le fossé, hein. Oui, parce que l'émotion, hein, vous savez ce que c'est. Ah, bah c'est ça, ouais. Elle attend la dépanneuse. Trop d'émotion, mais enfin, elle a 1 500 € pour se dépanner. Oui, ça va, ouais. Bisous, Kathleen. Et puis, une bise à François aussi qui a gagné une demi-heure à Tismons. Il avait envoyé 1 500 € au 7-20-20 et il a gagné. Et il a eu raison, 1 500 € au 7-20-20, vous gagnez vos 1 500 €. Qu'est-ce que vous avez fait? J'entendais un hurlement pendant qu'on écoutait The Weeknd, j'étais tranquille, moi j'écoutais ça, tranquille dans le studio. Et Romano et Sam se sont en allés et j'ai entendu hurler. Mais non, parce qu'il y a Rémi, il est allé se coucher. Ouais. Ah, il fait une sieste? Ouais, c'est ça. Et deux minutes avant, il était là, ouais, bon, ça va, on travaille pas beaucoup. Oui. Ah bah oui, lui, il a fini à 8h30, lui. À 8h30, le mec, à 8h35, était couché. En train de dormir. Donc non, mais allez voir la vidéo, parce que le mec a quand même un bonnet pour dormir. Oui, t'as mis le haut là, tu l'as réveillé? Ah ouais, ouais, j'ai mis mégaphone, de la cloche dans la gueule, je me suis assis sur son corps dodu. Oui, il est confortable, hein. Ah ouais, on dirait un canapé, le truc. Magnifique. Donc il est réveillé, on sait jamais s'il se passe quelque chose dans l'actu. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le courant. Hein. Ah ouais, ouais, au courant, Rémi, attention, à fond sur l'actu là. 9h08. J'allais vous le faire à l'envers. J'allais le faire en verlan. Alors, c'est parti pour la roulette. C'est qui va faire tourner? Cécilia, qu'on retrouve en direct de Metz. Bonjour Cécilia. Salut. Cécilia, 24 ans, était bien à Metz. Elle passe ouais, à côté de chez toi. Amnéville, ouais. Amnéville, il sera là au Galaxy. Ouais, Galaxy. Eh bien, en décembre. Bah, magnifique, on va t'offrir tes places pour la tournée de Jul, la tournée Skyrock, c'est parti. C'est Jul. Skyrock t'offre Jul en concert dans la ville de ton choix. Jul sur Skyrock. Skyrock, premier sur le rap, premier sur Jul, les places de concert à gagner. On y va, on fait tourner, Cécilia. Et toi, tu l'arrêtes quand tu veux ta roulette. Stop. Bien. C'est bien. Tu as le bien de Carriole. Carriole, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les matins, elle donne son avis sur votre stop. Il y a des beaux stops. Elle se prend pour jury. C'est ça, ouais, elle se croit nouvelle star, elle juge les stops. Ouais, elle se voice. Elle a piloté le fauteuil. Tu as gagné tes deux places pour aller voir Jul en concert avec Sky. C'est pour toi. Super. Bravo, Cécilia. Super. Trop contente. Eh ben, ça fait plaisir. Tu fais quoi dans la vie, je t'ai pas demandé? Je suis infirmière à domicile. Oh, magnifique. Si on a un problème avec Cédric, on a que ça ces temps-ci. Ah, je rappelle que Cédric. Pas de soucis. Cédric est toujours. Il est plus hospitalisé. Il est rentré chez lui. Non, il est rentré chez lui, mais il a toujours la diarrhée, toujours la clavicule pétée. Non, il est bah, je me déplace aussi. Pas, ça va. Non, t'as raison. Finalement, tu démissionnes. Cédric, si tu nous écoutes, Cécilia vient pas te voir. Non, par contre, finalement, c'est raté. T'iras voir Jul. Jul en concert. Ouais, je préfère. Ouais, bah, c'est super, je suis trop contente. Deux places. Tu ramènes qui à Amnéville? J'irai avec mon homme ou ma sœur. Je sais pas encore, bah, on verra. Super. Bah, éclate-toi bien avec ton homme ou ta sœur. C'est toi qui choisis. Deux places pour toi, Cécilia. Bisous. Super, merci, bisous. Ciao. Salut, bisous. On te fait un bisou. Bisous. Et on écoute le zap du morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Ah, tu vas me séguer levier, hein, Jean-Marc? Séguer levier? Eh ouais, ségue-moi levier. Je vais branler la bite. Qui c'est qui dit ça? C'est l'OM. L'OM? Ah, c'est pas possible. Il parle pas comme ça. Ah, si, l'OM. Les chèvres. Tu sais, Romano, que dans ton nom, il y a écrit OM. Il y a écrit OM dedans. Tu fais bien la chèvre. Ah, c'est les chèvres. J'en ai deux en face au moi là. Ah, bah, tu les embrasses. À tout à l'heure. Allez, allez, l'OM. Le bonjour de Skyrock. Hein. Allez, les chèvres. Skyrock. Sam, tu es encore à l'école, non? Non, non, bah, j'ai. Ah, j'ai terminé, en grande maternelle. Je crois qu'il était en 6ème, ouais. Moi. Là. Ah, non, bah, déjà. Non, non. Ah, non, non. J'ai eu Romano comme prof. Et c'était pas mal. Tu l'as eu comme élève? Ah, mais je me souviens même pas. Tu vois, un élève sans intérêt, son père. Alors, Nagui va réveiller les familles de France ce matin. On va le retrouver tout de suite avec la famille de Dorian. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah, bien, et vous? Oh, ah, c'est trop beau. Et entre nous, les trucs à plusieurs thèmes ou pas? Ça peut être chouette, on n'est pas à l'abri de faire un truc bien, ouais. Sauf que moi, j'ai du mal à partager quand même, hein. Mais c'est quoi cette conne? La conne, tu vas voir, la prochaine fois que je te vois, méfie-toi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il y a des gens, ils sont sympas, hein, vous avez vu. Hein. Ah, bah, surtout, c'est des partouzeurs, ceux-là. Et ça, et partouzeurs. Allô, c'est un gros libertin, quoi. On salue madame Muselier, qui mettait des coups de dictionnaire sur les élèves. J'en suis encore traumatisé. 14 ans après, c'est Johan qui a 25 ans. T'avais 11 ans quand ça t'est arrivé. Ah, j'en ai pris, moi aussi, des coups de bottin. Ah, bah, ça se voit. Ça se voit pas. Je travaille chez Carrefour Leclerc au champ, là, pas loin de chez vous. Oui. Dites voir, je me permets de vous appeler là, parce que après vérification, a priori vous avez payé l'autre fois vos achats avec un faux billet de 50 euros. Ah bon? Mais c'est bien, oui. Ah ouais, c'est bien. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, non. Parce qu'on a mené l'enquête, on est remonté jusqu'à vous avec les caméras de vidéosurveillance et tout ça, on a vu votre trogne sur les caméras. Ouais. Et puis du coup, il va falloir nous rembourser les 50 euros. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous me préparez les petits 50 euros? Ouais. Et puis un petit café, du coup. Ouais. Bon, bah c'est parfait, ça, voilà. Gilbert. Eh ben, à tout de suite, merci Gilbert. Eh, hey, salut. Bisous, à tout à l'heure. Je suis en train de vous écouter, Romano, t'es fou. Eh oui, Kathleen, c'est bien nous. Ah non, c'est pas nous. Oh. C'est vous, c'est Skyrock. Oui, Kathleen, alors si je te demande quelle est ta radio préférée, Kathleen? Skyrock. Allez, 1500 euros pour toi. Ouais, Kathleen. Ouais. Tu viens de gagner 1500 euros, Kathleen. Oh, trop bien. François, on va te demander quelle est ta radio préférée. Allez, on perd pas de temps. Skyrock sans hésitation. Oui, et tu as gagné 1500 euros ce matin. Bravo François. Et ouais. Je suis trop content, vous déchirez grave. Super François, 1500 euros à Tismons dans le 91 chez François, 1500 euros à Lassigny dans le 60 chez Kathleen. Et peut-être pour vous, pour le prochain coup, inscription 7-20-20 pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, vous n'avez pas envie de vous inscrire, bah vous avez le droit aussi. Hein. Vous gagnez 1500 euros au tir au sort ou dans l'annuaire ou parmi vos inscriptions demain matin. Encore plein de gagnants. On est à deux par jour depuis Don Ville. Hein. Ouais. C'est bien. Toutes les bonne dernières, moyenne. 1500 euros à gagner. En effet, bonne moyenne. Le professeur Romano, professeur de radio, je le rappelle. Oui. A donné la moyenne. C'est validé. C'est bien. Tu mets quoi comme annotation? Très bien pour ce matin. Merci Romano. Ce soir, tu nous feras la même chose. Hein. Très bien. À minuit, vous donnera un peu l'avis sur l'émission du soir. Je vous donnerai la note. Radio Libre ce soir, 21h minuit, à pas louper, on compte sur vous. Entre 21h et minuit, vous venez faire les cons avec nous en direct. Vous nous demandez ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'un coup de main, ça marche aussi. C'est dès 21h, c'est à pas louper. Tout au long de la journée, Urban Music non-stop. Et la matinée, on la démarre avec Emeric ce matin. Et je mets 20 aussi, moi, mais ça compte ou pas? Oui, Emeric, on prend toujours tes notes en compte. Emeric, professeur hein. Emerico. Professeur Emerico, c'est pas mal. D'habitude, on a professeur Frédérico le matin. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Et là, c'est professeur Enrico. Emeric, vous retrouvez tous les après-midi entre 16 et 20, juste avant Planète Rap. C'est toi qui t'as

feu. Raconte vite, pardon. Je raconte, mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. Cette tasse, vois-moi. Je suis pas en main. Le Yankee veut ça. En menottes dans la. Au palais, je sens là. Je rame que pour la. La street, ça pue là. Sa mère là, AMD. Je suis totalement paix. PNL. Et Frangin du 91, d'ailleurs Mac Miller qui était hier chez Difool a kiffé PNL. On vient d'écouter à l'instant Nas sur Skyrock, un extrait de l'album Dans la Légende. On se réveille avec le plus grand vendeur de disques en 2016, Drake arrive, One Dance. Il y aura aussi le groupe de Nekfeu à venir, le S-Crew démarre. Bonne matinée, bon courage. Et bienvenue sur Skyrock. Ladies and gentlemen, choisis Skyrock. Skyrock et viens découvrir un nouveau visage du rap français dans Planète Rap. Elle me fait la crise parce que je rentre pas, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais ouais. Sam et Lams, son rap vient de Marseille. Marseille. Il leur calme, sinon je fais les rombas. On part au combat. L'univers et l'âme, c'est son premier album rappé en direct tous les soirs. 20h-21h avec Fred sur Skyrock. C'est Planète Rap et l'âme en direct sur Skyrock et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Intersport. Joyeux anniversaire, amour. Ouh, ça c'est le VTT Nakamura, série limitée, cadran carbone, Romavic Crossride à moins 40% chez Intersport. Ah, bah non, c'est pas ça. Tu voulais pas un nouveau pyjama? Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, le VTT Nakamura Complete 700C est à 899,99€ au lieu de 1499,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, la côte de bœuf à griller Origine France est à 9,90€ le kilo. Oui, 9,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine côte 3 étoiles à griller. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Le mois de l'automobile chez Midas, c'est moins 25% sur le kit courroie de distribution jusqu'au 29 octobre. C'est bien, mais moi j'ai besoin de plaquettes de frein. Chez Midas, c'est aussi moins 25% sur les plaquettes de frein. Ah mieux, mais moi en fait c'est plutôt les amortisseurs. Moins 25% aussi sur les amortisseurs. Et sur l'embrayage? Moins 25%. Alors? Alors là, vous pouviez pas faire mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Bien couvert. Grosse doudoune. Laine de verre. Isolation performante. R égale 5. Prix confortable. 3,80€ le mètre carré. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. La laine de verre revêtue Kraft, épaisseur 200 mm pour usage multiple, est à 3,80€ le mètre carré, soit 22,80€ le rouleau de 6 mètres carrés. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boots tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20€ de réduction tous les 50€ d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Concert. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Yeah. Nekfeu.

Je suis pirate donc l'eau de mer. Je peux te montrer les crocs. Skyrock. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a thorn that Peter scrolled after story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your rights. Lord, Lord. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for? Yeah, right. Yeah, so yeah. You better get up, stand up in the don't morning. Give it up, stand up for your right. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Skyrock, Skyrock. Number one radio station. Skyrock, Skyrock. Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off.